Dans une production d'André Luguet, récréée en recréant, la radiodiffusion française présente La prisonnière, pièce en trois actes d'Édouard Bourdet, avec Sylvie et Suzanne Dantès, Pierre Blanchard et André Luguet. L'émission est réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth. Veuillez d'abord écouter André Luguet qui va vous parler de la création de La prisonnière. Édouard Bourdet passait pour un homme calme, maître de lui et d'une courtoisie parfois glaciale. Cependant, le soir de la répétition générale de La prisonnière, le 6 mars 1926, il faillit perdre son sang-froid. Nerveux, inquiet et d'assez méchante humeur, il se promenait derrière les portants du petit théâtre Fémina en mâchonnant sa moustache, et l'on raconte que, contrairement à son comportement habituel, il rabroua assez brusquement une personne du sexe faible de son entourage immédiate que pourtant il aimait tendrement. Cette personne, Madame Édouard Bourdet, pourquoi ne pas la nommer, ne cherchait cependant qu'à calmer son anxiété. Ceci se passait vers le milieu du deuxième acte, pendant la grande scène pivot entre Pierre Blanchard et Jean Worms. Jusque-là, l'auteur avait raconté au public l'histoire d'une jeune fille qui, selon toute vraisemblance, devait avoir un amant. Son ami d'enfance, tendrement soucieux de son amour, cherchait à savoir qui était cet homme. C'est à ce moment-là, écrit Léon Ruth dans une récente chronique, qu'il était 11h moins le quart. Jusqu'à cette heure de ce soir-là, l'auteur du Rubicon, de l'heure du berger et de l'homme enchaîné était considéré depuis une bonne douzaine d'années comme un auteur distingué dans l'excellent sens du mot, agréable et, si l'on peut dire, légèrement substantiel. Bref, un dramaturge de tout repos. Si ce soir-là, à 11h moins le quart, le flegmatique Édouard Bourdet était si nerveux, c'est qu'il savait que dans quelques secondes, sous la forme d'une réplique très simple en apparence, il allait lancer par la bouche d'un de ses meilleurs interprètes un pavé de belle taille dans la mare aux grenouilles que constituait à cette époque une salle dite bien parisienne. Il savait que le pavé produirait un remous, mais ce qu'il ne savait pas, c'est comment réagiraient les grenouilles. Allaient-elles coasser avec indignation et quitter la mare en se drapant dans leur dignité? Les crapauds qu'avait chanté Rostand allaient-ils les suivre? Allaient-ils crever d'apoplexie dans leur vieille peau? En un mot, l'auteur distingué, le dramaturge habile et de tout repos, allait-il être traîné dans la boue? À 10h47, la réplique fut lancée. Il n'y a pas qu'un homme qui puisse être dangereux pour une femme. Dans certains cas, une femme peut l'être. Après un instant de stupeur, la réaction de la mare se produisit. Les grenouilles se mirent à glousser comme des poules. Quant aux crapauds, ils hésitèrent un court instant. Il fallait applaudir ou siffler. La salle croula. Je ne vous en dirai pas davantage sur cette mémorable soirée. Vous savez quel fut le sort de La prisonnière. Le matin de la première représentation, le directeur du théâtre, convaincu qu'il tenait un four, avait inondé Paris de billets de faveur. Le soir, on se battait au contrôle. Dès ce soir, du 5 mars 1926, Édouard Bourdet fut sacré grand dramaturge. L'auteur de La prisonnière, écrit encore Léon Ruth, qui est aujourd'hui notre réalisateur, devint l'heureux prisonnier de sa réputation. Il osa cette école des gigolos légitimes que fut le sexe faible, cette réplique de La prisonnière que fut la fleur des pois. Il devint le contempteur de la société bourgeoise qui, évidemment, ne l'en applaudit que davantage. Son chef-d'œuvre, Les temps difficiles, le confirma explicitement dans cette attitude. La fin prématurée d'Édouard Bourdet nous a privés d'un très grand auteur dramatique. Mais la France est une pépinière d'où de jeunes tiges jaillissent à chaque saison nouvelle, et parmi celles qui, depuis la mort de Bourdet, sont déjà chargées de lauriers, nous pouvons, je crois, citer notre cher André Roussin. Cette comparaison me vient tout naturellement à l'idée, car sous une forme peut-être plus souriante, qui frise parfois volontairement le vaudeville, le talent de Roussin s'apparente à celui de Bourdet, tout au moins lorsqu'il décide de fustiger les vices, l'hypocrisie ou la sottise de la société moderne. Mais si Bourdet, avec sa prisonnière, remporta un triomphe mérité, il ne faut pas oublier que c'est à ses interprètes qu'il le doit. Le talent, la mesure, la grâce et la légèreté de chacun d'eux rendit seul admissible l'audition d'un si audacieux postulat. Ce sont ces merveilleux interprètes que vous allez entendre. Un des rôles principaux de la prisonnière ne sera pas tenu aujourd'hui par son créateur. Jean Worms, qui s'y montra inégalable, a été ravi à notre affection pendant l'occupation nazie. En grand acteur qu'il était, Jean Worms, dans une scène unique, récolta autant de bravos que Sylvie, Suzanne Dantès et Pierre Blanchard. Ces derniers n'en furent pas jaloux car Jean Worms était le plus charmant et le plus courtois des camarades. En très humble hommage à sa mémoire, j'assumerai moi-même au cours de cette émission la difficile tâche de faire revivre son personnage. Les trois coups sont frappés. Gisèle, la sœur d'Irène, en conversation avec son institutrice, Mademoiselle Marchand, semble très préoccupée de la robe qu'elle doit mettre pour le dîner fort ennuyeux que donne ce soir son père. Au demeurant, M. de Moncel, qui vient d'être nommé ambassadeur à Rome, semble d'assez méchante humeur. Veuf, il vit entre ses deux filles, dont l'aînée, Irène, lui donne pas mal de fil à retordre. Très indépendante, assez mystérieuse, Irène, qui passe toutes ses journées dans un atelier où elle travaille soi-disant la peinture, refuse systématiquement tous les prétendants. Le soir de ce fameux dîner, Irène, comme à son habitude, rentre tard à la maison. M. de Moncel, qui ne lui adresse plus la parole depuis plusieurs jours, a donné des ordres pour qu'Irène, dès son arrivée, vienne lui parler dans son bureau. Gisèle flaire un orage à l'horizon familial. Gisèle, vous l'avez nous laissé, mon enfant. J'ai à parler avec Irène. Oui, papa. Je commence par te dire, ma chère enfant, que la conversation que nous allons avoir est extrêmement grave. Mon attitude vis-à-vis de toi dans l'avenir en dépend. Avant de prendre aucune décision, j'ai voulu te donner le temps de réfléchir. L'as-tu fait ? Oui, papa. Alors, veux-tu me dire quel a été le fruit de tes réflexions ? Je n'ai pas changé d'avis, papa. Ce qui veut dire ? Je te demande de me laisser ici quand tu partiras pour Rome. Ah ! Par conséquent, ces 8 jours n'ont servi à rien. Tu persistes à me demander une chose qui, tu le sais bien, est impossible. Je persiste à te le demander, mais je ne vois pas ce qu'il y a d'impossible. Bien. Est-ce que tu persistes également à ne pas vouloir me donner la raison de cette extraordinaire prétention ? Mais je te l'ai donnée, papa. Tu m'as dit que tu voulais rester à Paris à cause de ton travail, de ta peinture. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Mais oui. Irène, réfléchis bien à ce que je te demande. Veux-tu, oui ou non, me dire la véritable raison ? Mais il n'y en a pas d'autre. Oh, non, voyons cet enfantin. S'il s'agissait pour toi d'aller dans une île déserte ou au fond du Sahara, ton prétexte aurait au moins le mérite de la vraisemblance. Il s'agit de t'installer à Rome, au centre de l'Italie, terre classique des arts, de cette Italie où l'an passé tu n'as eu de cesse que je te laisse partir, et d'où, toujours sous le prétexte de ton travail, de ta peinture, on ne pouvait plus te faire revenir. Il est vrai que tu avais fait la connaissance de ces gens, ces éguines, qui sont peut-être devenus depuis lors le centre de toutes tes préoccupations. Qu'est-ce que monsieur et madame Deguin ont à faire ici ? C'est moi qui pourrais peut-être te le demander. Mais je me bornerai, puisque nous en parlons, à te redire que je déplore cette fréquentation. Pourquoi ? Ce n'est pas une relation pour toi. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche, enfin ? Bien des choses. Ce n'est déjà pas une bonne note qu'il ait dû quitter la diplomatie au moment de son mariage. Il épousait une étrangère. Une autrichienne, je sais. Et après ? Si tu le veux bien, nous laissons de côté la question éguine. Revenons à Rome, où, comme je te le disais, tu seras admirablement placé pour continuer à travailler ta peinture, si ça te fait plaisir. Quand on a commencé à travailler avec un maître, c'est très mauvais d'en changer. Et le mien n'est pas à Rome, il est ici. Tu travailles beaucoup avec ton maître ? Oui, naturellement. Tous les jours, je suppose. À peu près, oui. Ce n'est pas vrai. Quoi ? J'ai été le voir, ton maître. Tu as été le voir ? Aujourd'hui même. Mais j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai-t-il lui demandé s'il était content de son élève. Je suis sorti de chez lui édifié sur la véritable place que la peinture occupe dans ta vie. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Simplement qu'il ne t'avait pas vu à son atelier depuis un mois. J'ai travaillé au Louvre à une copie. En vérité. Eh bien, dans ce cas, réjouis-toi, ma chère fille. Tu trouveras à Rome un grand nombre de musées, de galeries, où tu pourras copier quelques-uns des plus beaux tableaux du monde. Mais enfin, pourquoi tiens-tu tant à ce que je vienne à Rome? Parce que la place d'une jeune fille est dans sa famille. Et que ta famille, jusqu'au jour où tu seras marié, c'est moi, ton père. Bien que tu paraisses un peu trop l'oublier. S'il m'arrive de l'oublier, papa, c'est peut-être parce que toi, tu ne t'en es pas toujours souvenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ah, pardon! Tu vas t'expliquer, je l'exige. Si la place d'une fille est auprès de son père, pourquoi n'as-tu jamais songé à nous faire venir quand tu étais à Bruxelles? Oh, pour des raisons d'installation, je te l'expliquais déjà. Ah, et pour ça, seulement? Ah, ça, mais lequel de nous deux a des comptes à rendre à l'autre ici? Toi ou moi? Non, voilà, c'est... N'est-ce pas, pense de moi ce que tu voudras, ça m'est égal. Mais je suis ton père et j'entends que tu m'obéisses. J'ai cru jusqu'à présent que tu étais une fille sérieuse et capable de te conduire dans la vie. Je te traitais comme telle. J'avais tort. Je te traiterai désormais comme tu le mérites. Je partirai pour Rome dès l'arrivée de mon successeur ici, c'est-à-dire dans les premiers jours du mois prochain. Et tu partiras en même temps que moi avec ta sœur. Non, papa. Tu dis? Je ne partirai pas, je te l'ai déjà dit. Mais tu partiras de gré ou de force! Oh, ça... Prends garde, Irène. Tu dois cependant me connaître et savoir que quand j'ai décidé une chose, il est dangereux d'essayer de s'y opposer. J'ai brisé dans ma vie des résistances plus solides que la tienne, crois-le bien. Toi aussi, papa, tu devrais me connaître. Je suis ta fille. Et sous ce rapport-là, nous nous ressemblons. Non, si, je n'ai que faire de tes menaces. Ce ne sont pas des menaces. Mais enfin, j'ai 27 ans. Je ne suis plus une petite fille. Et tu comprends bien que je n'aurais pas été trouvée comme je l'ai fait l'autre jour si je n'étais pas moi aussi absolument décidée. Décidé à quoi? À rester à Paris? Oui. Et où resterais-tu? Ici, naturellement. Ah non, non, pas ici. Je regrette beaucoup, mais j'ai décidé de sous-louer cet appartement qui est fort cher et que je n'ai aucune raison de conserver du moment que j'habite plus Paris. Ah. Alors, où iras-tu, je te prie? Eh bien, à l'hôtel, je suppose. Et comment vivras-tu? Avec quel argent? Pas avec le mien, en tout cas. Tu n'auras plus un sou de moi. Enfin, voyons, papa. Plus un sou, tu entends? Aussi longtemps que je vivrai. Et je dois te prévenir, au risque de te faire de la peine, que ma santé ne me donne jusqu'à présent aucune inquiétude. Ah! C'est un nouvel aspect de la question, n'est-ce pas? Si tu penses avoir raison de moi par ces moyens-là... Si cela ne suffise pas, il y en a d'autres. Lesquels? Je vais te le dire. Non seulement tu n'auras plus un sou de moi, mais tu seras pour moi exactement comme si tu n'existais plus. Je ne te reverrai jamais. Oh, ça, c'est le cadet de tes soucis, je le sais. Oui. Ta tendresse filiale supportera vaillamment cette séparation, je n'en doute pas. Mais ça te touchera peut-être plus d'apprendre que je ne te laisserai jamais revoir ta sœur. Oh. Jamais. Tu ferais cela? Oh, mais oui. C'est abominable. Je ne sais pas si c'est abominable, mais mon devoir... et de la protéger contre toi, et ça, je le ferai, je te le garantis. La protéger contre moi? Mais est-ce que tu te rends compte, papa, de ce que tu dis? Qu'est-ce qu'elle deviendrait sans moi, la pauvre petite? Qui l'aimerait, elle n'a que moi au monde? Tiens, et moi alors? Toi, oh, je ne compte pas, papa. Quoi? Eh bien, parle, allons, achève ta pensée. Elle ne m'aime pas, n'est-ce pas? C'est ça. Vous ne m'aimez pas plus l'une que l'autre. Et toi, papa, est-ce que tu nous aimes? Est-ce que tu t'es beaucoup soucié de nous? Beaucoup gêné pour nous dans l'existence. Faut bien le dire à la fin, puisque nous en sommes là. Qu'est-ce qu'a été notre enfance? Pas gaie, je t'assure. Toujours seule, en compagnie des domestiques. Si Gisèle ne m'avait pas eue comme j'ai eu moi-même, nous n'aurions pas beaucoup connu de tendresse depuis que maman est morte. Alors ça va recommencer, cette histoire? Non, papa, c'est fini. Tu as fait ce qu'il t'a plu. Nous n'avons pas à te juger. Ce n'est pas notre rôle. Seulement, si tu penses qu'après nous avoir habitués pendant 15 ans, à être tout l'une pour l'autre, tu peux maintenant nous séparer, eh bien, tu te trompes, voilà tout. Mais dis-moi, si tu t'estimes à ce point nécessaire à ta sœur, comment donc envisages-tu de rester ici quand elle sera à Rome? Hein? Explique-moi ça. Et pourquoi ne resterait-elle pas, elle aussi? Avec toi? Sous ta garde? Non, mais ça te fait complètement folle, alors. Tu imagines que je pourrais te confier cette petite à toi? À toi? Eh bien, ce serait du joli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta sœur est un petit être pur et propre. Et j'entends qu'elle, au moins, le reste. Voilà. Oh, papa! Je regrette, mais je dis ce que je pense, ce que ta conduite m'oblige à penser. Ben, si je me trompe, justifie-toi. Je n'ai pas à me justifier. Parbleu ! Si le motif que tu as pour vouloir rester ici était de ce qu'une fille peut avouer à son père, il y a longtemps que tu l'aurais dit. Je t'ai dit que c'était ma peinture. Croyez plus intelligente. Au point où nous en sommes, je dirais la vérité à ta place. Ça voudrait mieux. Tu ne veux pas. Mais tu ne vois donc pas que ton silence est la charge la plus écrasante pour toi. Est-ce que tu te figures qu'après ce que je suppose déjà, et ce que je devine peut-être, il me sera difficile de savoir le reste? Qu'est-ce que tu supposes? Tu veux que je le dise? Oui. Je suppose que si tu ne veux pas venir à Rome, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te retient à Paris. Voilà. C'est cela, n'est-ce pas? Réponds. Écoute, Irène, je suis décidé à tirer cette affaire au clair. Tu me comprends? En t'obstinant à ne rien dire, tu m'exposes simplement à des démarches extrêmement déplaisantes que tu peux encore m'éviter. Quelle démarche? Ça me regarde. Mais je te garantis que je saurai la vérité. J'irai la demander là où je peux l'obtenir, et il faudra bien qu'on me la dise. Tu voudrais bien savoir à qui je m'adresserai, n'est-ce pas? Eh bien, oui, à qui? Aux personnes que j'ai lieu de supposer au courant des moindres faits de ton existence. À tes amis d'Eguines, si tu veux tout savoir. Tu es fou, papa? Je ne crois pas. Mais pourquoi cette idée de demander une chose pareille à monsieur et madame d'Eguines? C'est une idée qui m'est venue à la suite de certaines remarques que j'ai faites. Et c'est une idée que je crois bonne. Voilà. Quelles remarques as-tu faites? Je te demanderai la permission de les garder pour moi jusqu'à nouvel ordre. Enfin, j'ai bien le droit de savoir. Non! Ça a l'air de te préoccuper étrangement que je fasse cette démarche. Non, pas du tout, ça m'est bien égal, je t'assure. Vraiment? Alors pourquoi es-tu devenue blanche tout d'un coup quand j'ai prononcé le nom d'Eguines? Mais je ne suis pas devenue blanche. Si. D'ailleurs, une chose bien simple. Nous allons être fixés tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Priez monsieur d'Eguines de venir me parler immédiatement. Tu ne feras pas ça, papa. Tu vas le voir. Mais puisque je te dis que c'est inutile, que tu ne sauras rien. Voilà déjà un commencement d'aveu. Alors écoute-moi bien. Si dans 2 minutes, tu n'as pas prononcé le nom que j'attends, que tu le veuilles ou non, c'est à monsieur d'Eguines que je le demanderai. Papa, je te supplie de ne pas le faire. Alors parle. Pour qui cherches-tu à rester à Paris? Veux-tu le dire, oui ou non? Mais je... Allons, cette fois, ça suffit. Papa, non, papa! Eh bien? C'est à cause de Jacques. De Jacques? Quel Jacques? Jacques Virieux? C'est à cause de Jacques que tu veux rester à Paris? Ben oui. Ah, ça, par exemple. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Oh, rien. Comment, rien? Rien de grave, sois tranquille. Écoute, ne jouons pas sur les mots, veux-tu? Je te préviens que tout ce que tu me dis sera contrôlé. Mais oui, papa. Je te conseille, par conséquent, de ne rien me cacher. Maintenant, réponds à ma question. Que s'est-il passé entre vous? Eh bien... Nous avons beaucoup d'affection l'un pour l'autre depuis longtemps et nous avons pensé, enfin j'ai pensé, moi, que je pourrais l'épouser, voilà. Tu me dis bien tout, n'est-ce pas? Mais oui, papa. Vous voulez vous épouser? Non, j'ai dit que moi je voudrais, enfin que... Et lui? Que je souhaiterais... Et lui? Lui, je ne sais pas. Comment? Il ne t'a pas parlé de ses intentions? Non. Eh bien alors... Bah, il ne m'en a pas encore parlé. Mais tu supposes qu'il s'apprête à le faire. Hein? Mais enfin, voyons, parle, explique-toi. Faut t'arracher les mots. Je ne suis sûre de rien. Enfin quoi? Tu l'aimes. Et s'il me demandait ta main, tu serais disposée à l'épouser. C'est cela? Oui. Et c'est à cause de ce projet que tu voulais rester à Paris? Oui. Eh bien... Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout simplement, au lieu de faire tout ce mystère? Hein? Ce n'était pas mon secret. Oh, c'est pas trahir un secret comme celui-là que le confier à son père. D'autant plus que tu devais bien te douter que ton projet n'avait rien pour me déplaire. Jacques Virieux par sa mère et notre parent. Vous vous connaissez depuis votre enfance, il fait partie de notre milieu. Un garçon sérieux, pour qui j'ai de l'estime. Cette affaire d'électricité au Maroc lui assure maintenant de beaux revenus. Je n'avais donc aucune raison de m'opposer à ton désir. Je ne voulais pas te parler d'une chose qui n'existe peut-être que dans mon imagination. Et pourquoi? Quel inconvénient? Ce n'est jamais agréable de s'exposer à une déception de cette espèce-là, tu dois le comprendre. Il y a des cas où il faut savoir mettre son orgueil un peu de côté. Au lieu de te méfier de moi, tu aurais dû penser que j'étais ton auxiliaire tout désigné. On comprend parfaitement que tu ne puisses pas aller demander à ce garçon de te fixer sur ses intentions. Ce n'est pas ton rôle. Tandis que moi, je peux parfaitement le faire sans que ta fierté ait à en souffrir. Papa, mais voyons pas. C'est impossible. Mais c'est si peu impossible, mon enfant, que je lui parlerai dès demain. Tu n'y penses pas. Non, rassure-toi. Je ne te mettrai pas en cause. Je ne mentionnerai même pas notre conversation. Mais papa... Je lui dirai que, depuis un certain temps, divers indices m'ont amené à supposer que tu nourrissais un penchant secret pour quelqu'un, que je t'ai observé de plus près, que j'ai cru comprendre, sans d'ailleurs que tu m'aies dit un mot, qu'il s'agissait de lui, et qu'au moment de quitter Paris, pour longtemps peut-être, je désire savoir s'il n'a rien à me dire, papa, simplement. Je te demande de ne pas le faire. Je suis désolé de te contrarier, mais je suis meilleur juge que toi dans les circonstances. Et tu me remercieras un jour de la démarche que je vais faire. Je ne veux pas que tu la fasses. Tu aimes mieux partir pour Rome sans rien savoir? J'aime mieux attendre, ne rien brusquer. Mais attendre quoi? Il se décide. Je parle en 3 semaines, ne l'oublie pas. Non, naturellement, ce n'est pas en 3 semaines qu'il peut y avoir un grand changement. Alors? C'est pour ça que je veux rester. Ça, sous aucun prétexte. À moins qu'il ne se soit formellement déclaré. Et encore, nous verrons. Mais puisque tu as confiance en lui, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Non, n'insiste pas, c'est tout à fait inutile. Je lui parlerai comme je viens de te le dire et... Une dernière fois, papa, je te demande de ne pas le faire. Oh, voilà, c'est mon enfant. Ma résolution est prise, je n'en changerai pas. Et restons-en là pour ce soir, si tu le veux bien. Il est déjà 6h30, il faut encore que je passe au ministère avant le dîner. Ah, tu prendras Dardenne à ta droite et Couvreur à ta gauche. Pour 8h15, le dîner. Une grande anxiété apparaît sur la figure d'Irène dès qu'elle est seule. Elle s'assied et réfléchit un long moment. Puis brusquement se lève, va à sa table et décroche le récepteur téléphonique. Allô? Élysée 2451. Oui. Allô? Allô, Élysée 2451? Je voudrais parler à M. Jacques Virieux. Ah, c'est toi, Jacques. Je ne reconnaissais pas ta voix. Tu reconnais la mienne? Bon. Écoute, Jacques, est-ce que je pourrais te voir? Oui, oui, si tu veux, mais tout de suite, ça ne serait pas possible par hasard. Alors tu veux bien venir jusqu'à la maison? Merci, je t'attends. Quoi? Je te dirai, je ne peux pas dans le téléphone. À tout de suite, hein? Elle raccroche le récepteur. Reste un moment pensive quand Gisèle paraît. Je peux venir? Je ne te dérange pas? Mais non, ma chérie. Tu es déjà prête? Mais il est tard, tu sais. Et nous n'avons pas arrangé les fleurs. Oh, fais-le sans moi, je n'aurai sûrement pas le temps. Bien, ce sera affreux, mais tant pis. Mais non, ce ne sera pas affreux, tu es bête. Sonne, Joséphine, veux-tu? Il faut que je m'habille. Dis donc, Irène. Quoi, ma chérie? Mademoiselle a sonné. Oui, Joséphine, préparez ma robe de crêpe de Chine dans le cabinet de toilette. Je vais m'habiller tout de suite. Mais tu avais dit que tu mettrais ta robe mauve. Ah, c'est vrai, ma robe mauve, Joséphine. Bien, mademoiselle. Tu voulais me demander quelque chose? Ah oui, qu'est-ce que ça voulait dire, une phrase de papa que j'ai entendue tout à l'heure pendant que j'étais dans ma chambre? Tu as entendu une phrase de papa? Oh, j'ai pas fait exprès, tu sais, je n'écoutais pas à la porte, ce n'est pas mon genre. Mais papa a parlé si fort à un moment que j'ai entendu malgré moi ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, tu partiras de gré ou de force. Ce n'est pas de Rome qu'il voulait parler? Si. Comment, tu ne viendrais pas à Rome? Irène, c'est vrai? Je ne sais pas encore, ma chérie, ne te tourmente pas. Oh, tu ne vas pas me laisser partir seule là-bas avec papa? Peut-être que si. Oh! Mais tu t'amuseras beaucoup à Rome, tu ne sais pas comme c'est beau. Et puis tu verras des gens charmants, tu seras fêtée, la seule femme de l'ambassade, pense donc. Je te promets que tu t'y plairas énormément. Sans toi? Mais oui, mon chéri, sans moi. Oh, comment veux-tu que je me plaise quelque part où tu n'es pas? Mon petit. Oh, bien si tu m'abandonnes, toi. Alors... T'abandonner, moi, mais tu sais bien que c'est impossible. Oh, alors viens. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Tu aimerais mieux rester ici avec moi? Oh oui, naturellement. Mais tu ne regretterais pas de ne pas aller à Rome? Oh, j'aurais été contente d'y aller si tu y étais allée aussi, mais... Oh, sans toi, non, j'aime bien mieux rester ici. Tu es sûre? Sûre. Alors veux-tu que j'essaie d'obtenir de papa qu'il te laisse aussi? Ce sera dur d'y arriver, mais en manœuvrant adroitement, il consentira peut-être. Oh oui, je t'en prie. Bon, laisse-moi faire. Mais n'en dis rien à personne, hein? Pas même à Mademoiselle Marchand, n'est-ce pas? Bien. Si Mademoiselle veut s'habiller... Oui, je viens. Je vais finir. Tu ne m'as rien dit de ma nouvelle robe? Ah, c'est vrai, mon chéri, je te demande pardon. Très jolie, ma chérie. Oh, tu ne trouves pas que la jupe est trop longue? Non, je la trouve bien. Oh, regarde, ce n'est pas mieux comme ça? Si tu veux, mais c'est d'être aussi bien avant. Oh, que tu es ennuyeuse. Tu ne peux pas me donner un avis, enfin. Ou bien non. C'est un peu trop court pour toi, ce ne serait pas correct. Tu trouves? Oh, je l'ai raccourci à peine de 4 cm. T'as bien le temps de laisser voir tes jambes, voyons. Ah, j'ai bien le temps. Et si l'on se met à refaire des jupes longues l'année prochaine? Ah. Ah, j'ai envie de la raccourcir seulement de 2 cm. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, c'est ça, va pour 2 cm. Oui, vous entendez, Joséphine? 2 cm. Oui, mademoiselle. Je vous l'épinglerai demain matin. Pour ce soir, je la laisse comme ça, naturellement. Oh, d'ailleurs, ce soir, ça n'a pas d'importance. Joséphine. Mademoiselle. Monsieur Jacques Virgueux va venir me voir, dès qu'il sera là, conduisez-le directement ici, vous avez compris? Oui, mademoiselle. Gisèle a pris sur la table une botte de violette qui règne lorsqu'elle est arrivée, tenait à la main, et distraitement en respire le parfum. Jacques va venir? Irène voit les violettes dans les mains de Gisèle, elle lui retire, sort, revient avec un vase où elle met les fleurs et qu'elle place sur la table. Gisèle l'a regardée faire, un peu étonnée, et sans rien dire. Dis, Irène. Quoi? Jacques va venir? Oui, je l'attends. Ah, oh, quelle chance! Ah, oh, je serais contente de le voir, ce bon Jacques. Mais il ne vient pas dîner? Non, je lui ai demandé de passer me voir un instant parce que j'ai quelque chose à lui dire. Et même, tu seras gentille quand il lui aura dit bonjour de me laisser seule avec lui. Entendu. Merci, ma chérie. Tu es une adorable petite sœur. Tu ne poses jamais de questions, tu ne demandes aucune explication. Je tâche de ne pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, voilà. Oui, mais c'est rare, vois-tu, les gens comme toi. Joséphine ouvre la porte et introduit Jacques. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Irène. Tiens, la petite sœur. Bonsoir, Jacques. Seigneur, qu'elle est belle. Elle m'impressionne. Dire que j'ai fait sauter cet enfant-là sur mes genoux, mais je n'oserais plus maintenant. Eh bien, il ne manqua plus que ça. Mais dis-moi, Irène, tu ne m'avais pas dit que c'était une réception? Une réception? Madame, vos robes. Oh, rassure-toi. C'est parce que papa a du monde à dîner ce soir. Ah, bon. Et alors, que se passe-t-il? Dis-moi au revoir d'abord. Quand tu t'en vas? Oui. Au revoir, belle demoiselle. Quand nous invites-tu à goûter, Irène et moi? Mais quand vous voudrez. Oh, tu m'avais annoncé un thé somptueux avec des sandwichs au caviar la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, mais je n'ai rien vu venir. Nous allons arranger ça, je te le promets. Oh, j'y compte, tu sais. Au revoir. Et alors, Irène? Merci d'être venue, Jacques. Ben voyons, mais je suis très intriguée, tu sais, qu'est-ce qui t'arrive? Avant tout, il faut que tu me jures que tu ne révéleras à personne au monde un mot de notre conversation. Non, c'est si grave que ça? Oui. Mais tu me le jures, oui, Jacques? Oui, bien entendu. Tu sais, n'est-ce pas, que papa vient d'être nommé à Rome? Oui. Il avait décidé que nous l'accompagnerions, Gisèle et moi. Naturellement. Ah, c'est pas si naturel que cela. Chaque fois qu'il a occupé un poste à l'étranger, jusqu'à maintenant, il nous a toujours laissés ici. Pourquoi veut-il nous emmener à Rome? Je crois qu'on le lui a conseillé. Qui? Ben, je ne sais pas, moi. Au ministère, probablement. Il paraît qu'on est assez strict à Rome. On a dû penser au Quai d'Orsay que cela ferait bien qu'il ait ses filles auprès de lui, et que cela l'empêcherait d'emmener Madame de Galant, comme il avait fait jusqu'ici. Ça n'avait pas été très bien vu, je crois, à Bruxelles. Vraiment? Je n'affirme pas que ce soit la raison, mais c'est vraisemblable. D'ailleurs, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il avait décidé que nous partirions avec lui. Seulement, moi, j'ai décidé de rester à Paris. Pourquoi? Je lui ai dit que c'était à cause de ma peinture, pour que je puisse continuer à travailler ici avec mon maître. C'était pas vrai? Non. D'ailleurs, mon maître, qu'il est allé voir aujourd'hui, lui a appris que depuis un mois, je n'étais pas venu à l'atelier. Ah. Il a compris que j'avais une autre raison pour rester. Tout à l'heure, dans une scène extrêmement violente que nous avons eue, il a fini par me dire qu'il était sûr que si je ne voulais pas partir, c'est parce que quelqu'un me retenait à Paris. Et il m'a sommé de lui dire qui. Et alors? Il me harcelait de questions auxquelles je ne pouvais répondre. Il me menaçait de démarches que je ne pouvais pas lui laisser faire. J'étais affolée, terrorisée. Alors, dans mon angoisse, un nom m'est venu aux lèvres, presque malgré moi. Le nom du seul ami dont je sois sûre, du seul être auquel je puisse me confier. Le tien. Le mien? Oui. Tu as donné mon nom? Oui. Et alors ton père s'imagine que c'est à cause de moi que tu veux rester à Paris? Oui. Tu te rends compte, Irène, de ce que tu as fait? Oui. Mais qu'est-ce que ton père peut supposer? Il ne suppose rien. Je lui ai fait croire qu'en me laissant à Paris, c'est-à-dire en ne m'éloignant pas de toi, il n'était pas impossible que projet que j'étais seule jusqu'à présent à avoir formé puisse devenir une réalité. Mais quel projet? Celui de nous marier. Tu lui as fait croire ça? Oui. Ah. Oui, je sais tout ce que tu penses. Ne me le dis pas, ce n'est pas la peine. Tu ne crois pas qu'il aurait mieux valu lui avouer la vérité? Quelle vérité? Je ne sais pas, mais quelle qu'elle soit, elle valait mieux que ce mensonge-là. Si je l'avais dit, personne ne l'aurait comprise. Pourquoi? Hein? Peu importe. Tu ne peux pas me la dire à moi, cette vérité? Non. Ah. En tout cas, je comprends difficilement, je te l'avoue, que tu aies disposé de moi comme ça pour une chose aussi grave, sans même me consulter. Est-ce que j'avais le temps de te consulter? J'étais harcelée, traquée, tout ce que j'essayais pour m'échapper se retournait contre moi. Je n'ai vu qu'une chose, c'est qu'il fallait à tout prix rassurer papa pour qu'il ne le cherche plus. Je n'ai pas regardé plus loin. Tu étais donc bien sûr que mon nom suffirait à le rassurer? Oui. Ah. Et puis, est-ce que j'avais le choix? Est-ce que tu crois que j'ai un seul ami en dehors de toi à qui demander une chose pareille? Et tu ne t'es pas dit que tu pouvais me le demander à moi moins qu'à tout autre? J'ai cru que tu avais de l'affection pour moi. Tu ne t'es pas souvenu que j'avais eu aussi de l'amour? Oh, Jacques, c'est le passé, ça. En es-tu sûr? En tout cas, c'est un passé qui n'est pas assez reculé pour que tu l'aies déjà oublié. Si? Je n'ai pas réfléchi si loin. Eh ben, tu as eu tort. Tu aurais dû penser qu'on ne demande pas de devenir votre fiancé pour rire à un homme qui a voulu l'être pour de bon et qui, il y a un an à peine, pouvait croire que cette ambition était du domaine des choses réalisables. Jacques, ne revenons pas sur ce malentendu que j'ai assez regretté, je t'assure. Je ne sais pas ce qui a pu te faire supposer que j'ai jamais eu l'idée de... De devenir ma femme? Mais alors pourquoi ne m'as-tu pas arrêté tout de suite la première fois où je t'ai fait comprendre que je t'aimais et que je désirais t'épouser? Mais je n'ai pas cru que c'était sérieux. Oh, l'on doit se complaisante avec ces choses-là. D'ailleurs, si tu avais cru une plaisanterie, tu m'aurais répondu sur le même ton. Au lieu de cela, tu m'as dit, avec une émotion que j'ai crue et que je crois encore sincère, que tu me demandais à réfléchir. Et comme tu devais partir le mois suivant pour Florence, nous nous sommes vus tous les jours jusqu'à ton départ. Je t'ai accompagné à la gare le soir où tu es parti. Et sur le quai, au moment où le train s'ébranlait, tu m'as dit, avec un sourire que je revois encore, que tu allais m'écrire ta réponse de là-bas. Eh bien, jamais on ne m'enlèvera de l'idée que cette réponse que tu t'apprêtais à me faire n'était pas celle que j'ai reçue effectivement 3 semaines plus tard. Tu te trompes? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui aurait pu, selon toi, me faire changer d'avis? Ah, je ne sais pas. Il a dû se passer là-bas dans ta vie quelque chose que j'ignore, que je n'ai pas cherché à savoir, mais qui a modifié beaucoup de choses en toi. Enfin, ça n'est pas mon affaire. Seulement, j'ai le droit de trouver inattendu que tu viennes me demander après ça de passer pour ton fiancé. Avoue que c'est assez comique. Tu n'auras donc pas un peu pitié de moi? Non, je ne te fais aucun reproche. Je trouve ça comique, voilà tout. Alors, tu as dit à ton père que je voulais t'épouser. Je ne lui ai pas dit que tu voulais m'épouser. J'ai dit que moi, j'en avais le désir, mais que j'ignorais tes intentions. Et ton père a trouvé vraisemblable que ce désir te soit venu comme ça, sans que rien de ma part ne l'ait encouragé. Allons donc, voyons, Irène. Ton père connaît ton orgueil. Il ne peut pas ne pas me croire à la veille de lui demander ta main. Je te jure que je ne lui ai rien dit qui puisse le lui faire supposer. Tu pourras d'ailleurs t'en rendre compte, car il veut te parler. Il veut me parler? J'ai tout fait pour l'en empêcher, mais il n'a rien voulu entendre. Il m'a dit qu'il te verrait demain. Ah. Tu pourras constater, à la façon dont il te parlera, que je n'ai pas disposé de toi, comme tu le dis. Dans un moment de détresse, j'ai seulement tendu les bras vers toi, comme vers le seul être capable de me secourir. Si tu ne veux pas, rien ne t'y force. Quand papa t'interrogera, tu n'auras qu'à faire celui qui ne comprend pas, qui tombe des nues. Tu diras que c'est une erreur, que tu es désolé de ce malentendu, que tu n'as rien fait pour le provoquer, et tout sera dit. Sois tranquille, tu n'entendras plus parler de rien. Et alors, qu'est-ce que tu feras, toi? Ça, Jacques... Ouais, ça ne me regarde pas, mais ça. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais dis-moi, avant de m'appeler à ton secours, est-ce que l'idée ne t'est pas venue que je pouvais n'être pas libre? Qu'il pouvait y avoir quelqu'un dans ma vie? Je sais qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Bon, tu le sais? Mais oui. Alors, si tu le sais, comment me demandes-tu de jouer ce rôle auprès de toi? Est-ce que je te demande de changer quoi que ce soit dans ton existence? Enfin, qu'est-ce que tu me demandes? De passer pour ton fiancé? Mais pas du tout, c'est simplement... Oui, c'est vis-à-vis de ton père, j'ai bien compris. Mais même vis-à-vis de papa, il ne s'agit pas de passer pour mon fiancé. Tout ce que je demande, c'est que tu lui laisses l'impression qu'en m'éloignant de Paris, il compromet une possibilité de mariage entre nous. Voilà tout. Autrement dit, tu veux profiter de la confiance que ton père peut avoir en moi pour abriter derrière elle... Je ne sais pas exactement quoi, mais quelque chose en tout cas que tu ne peux avouer à personne. C'est bien ça, n'est-ce pas? J'ai besoin de gagner quelques jours jusqu'au départ de papa. Après... Après quoi? Quoi après? Après, je m'arrangerai, je me débrouillerai toute seule pour rester ici. Je te rendrai ta liberté, je te le jure. Mais enfin, pourquoi faut-il à tout prix que tu restes? On ne peut pas le savoir? Je ne veux pas quitter Paris, voilà tout ce que je peux dire. Bah, dis donc la vérité, tu ne veux pas quitter quelqu'un qui est à Paris, hein, c'est ça? Voilà où tu en es, toi. Toi que j'ai tant admiré. Toi que j'ai cru si longtemps incapable d'une chose basse ou vulgaire. Te voilà embarqué dans la plus vulgaire de toutes, le mensonge. Si je mens, c'est qu'on m'y force. Qui? Tout le monde, je n'ai pas d'autre ressource. Oh, cette ressource-là ne vaut pas cher, crois-moi, elle ne te mènera pas bien loin. Et puis surtout, elle est indigne de toi, Irène, tu vaux mieux que ça. Mais non, je ne vaux pas mieux que ça. Tu t'es toujours fait des illusions sur mon compte, mon pauvre Jacques. Combien de fois t'ai-je demandé de me descendre de mon piédestal? Tu te souviens de me mettre par terre comme tout le monde? Pourquoi t'es-tu toujours obstinée à me croire différente des autres? Parce que je t'aimais, probablement. Ah, ce n'est pas ma faute. Et puis non, ce n'est pas vrai, tu étais différente des autres, seulement tu as changé. Ou plutôt, on t'a changé. Qui, hein? Et sans doute les gens que tu fréquentes depuis un an. En abandonnant pour eux tous tes anciens amis, il ne semble pas que tu gagnes au change. C'est le moins qu'on puisse en dire. Ces gens, comme tu dis, tu les connais? Nullement. Alors, en tout cas, fais-moi un plaisir. Pense d'eux ce que tu voudras. Elle ne m'en parle pas, veux-tu? Bon, c'est entendu. Mais puisqu'il paraît être si cher, pourquoi ne t'adresses-tu pas à l'un d'eux plutôt qu'à moi pour le service dont tu as besoin? Il me semble que ce serait beaucoup plus indiqué, non? D'autant plus que moi, vois-tu, je ne suis pas du tout l'homme de ce genre de comédie. Jacques! Tu dois avoir des amis sûrs parmi eux, hein, certainement. Eh bien, demande-le-lui. Je n'ai qu'un ami, c'est toi. Du moins, je te croyais, mon ami. Mais c'est justement parce que je suis ton ami que je n'ai pas le droit de faire ce que tu me demandes. Pourquoi? Parce que c'est déplaisant, dangereux et surtout inutile. Il n'y a pas d'avenir pour un mensonge comme celui-là. Il est condamné d'avance. Si tu étais vraiment mon ami, tu écouterais un peu plus ton cœur. Et un peu moins les préceptes de la morale bourgeoise. Oh, la morale bourgeoise a quelquefois du monde. Oui, ça dépend de celui à qui elle profite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est au nom de la morale bourgeoise que tu parlais il y a un an quand tu as essayé de faire de moi ta maîtresse? Tu ne te souviens pas? Si. Et tu trouves que c'était moral, oui, ça? Oui. Ah. Oui, parce que si tu m'avais appartenu, tu aurais bien fini par m'aimer et par consentir à m'épouser. Cette répugnance que tu éprouvais à l'idée d'engager ta liberté, ta sacro-sainte liberté, j'avais la prétention, oui, d'en venir à bout peu à peu du jour où tu aurais été à moi. Et dans ma pensée, la possession n'était qu'une étape vers la seule solution normale pour une jeune fille, c'est-à-dire le mariage. Voilà. Alors c'était pour me convertir au mariage que dans ta haute sagesse, tu voulais que je me donne à toi? Oui. Mais t'as figuré que tu me désirais, tout simplement. Naturellement, je te désirais. Je te désirais de toutes mes forces. L'idée de ton corps contre le mien me bouleversait. Comme il me bouleverse encore en ce moment. Si tu veux tout savoir. Jacques. Ah, je commence à croire que jamais je ne me guérirai de toi. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai toujours pensé à toi avant de penser à moi. Tu m'entends toujours, hier comme aujourd'hui. Et pour que tu n'en doutes pas, j'ajoute ceci. Jure-moi que l'aventure où tu es engagé, et dont je ne veux rien savoir, comporte pour toi, dans un temps plus ou moins long, cette solution normale dont je viens de te parler, le mariage. Un mariage digne de toi. Jure-moi ça simplement et j'accepte de faire ce que tu me demandes. Peux-tu me le jurer? Je n'ai rien à te jurer. Bon, alors je refuse. Pense de moi tout ce que tu voudras, que je n'ai pas de cœur, que je ne t'aime pas, ça m'est égal, je refuse. Et si mon refus peut t'obliger à sortir un peu plus tôt que tu ne pensais de la situation où tu t'es mise... Eh ben, ça n'en vaudra que mieux pour tout le monde, sois-en sûr. Tu devrais me connaître assez, Jacques, pour savoir que je ferai ce que j'ai décidé de faire. Et que s'il faut absolument pour ça casser les vitres, eh bien, je les casserai. Tu es donc complètement folle. Non, mais je le deviendrai si l'on me force à partir. À ce point-là. Ah, ma pauvre Irène. Jacques, papa te fait dire de ne pas t'en aller, il veut te parler. Comment a-t-il su que Jacques était là? Eh bien, par moi. Il vient de rentrer. Il est allé voir la table, ça ne lui a pas plu. Il voulait que j'aille te chercher, je lui ai dit que tu étais avec Jacques. Oh, j'ai eu tort? Mais non, ma chérie. Alors il m'a envoyé dire à Jacques de l'attendre 5 minutes parce qu'il voulait le voir. Voilà, j'ai fait une gaffe. Mais non, ma petite Gisèle, ça ne fait rien. Oh, je ne pouvais pas savoir, moi. Il fallait me prévenir. Elle sort. Irène reste un instant immobile, puis soudain, prenant une résolution, elle se précipite dans son cabinet de toilette, reparaît avec un manteau qu'elle jette sur ses épaules. Mais qu'est-ce que tu fais, tu sors? Je pars. Tu pars, où vas-tu? Ça me regarde, je m'en vais, voilà tout. Alors voyons, tu perds la raison. Laisse-moi passer. Mais pourquoi veux-tu partir? C'est comme ça, la question sera réglée. Mais tu n'as pas ton bon sens en ce moment. Laisse-moi passer. Mais qu'est-ce que j'irai à ton père? Ce que tu voudras, ça m'est égal, laisse-moi passer. Non! Tu n'as pas le droit de m'empêcher de faire ce que je veux faire. J'ai le droit de t'empêcher de faire une folie. J'en ai assez. J'ai 27 ans, je suis libre. Je ne dois de compte à personne, laisse-moi passer, Jacques. Mais Irène, voyons, calme-toi, je t'en supplie. Tu ne comprends pas ce que sera ma vie ici après que papa t'aura parlé. Non. Je ne veux pas qu'on me questionne. Je ne veux plus que tout ce monde soit après moi à me traquer. Je veux m'en aller. Irène! Mais qu'est-ce que ça te fait que je m'en aille à la fin? Ce que ça me fait? Oui. Qu'est-ce que ça te regarde, toi? Tu as raison, va-t'en. Eh bien, va donc. Qu'est-ce que tu attends maintenant pour aller le retrouver? Un sourire triste passe sur le visage d'Irène. Elle s'enveloppe dans son manteau, gagne la porte. Au moment où elle va l'ouvrir, il se dresse. Irène! Quoi? Reste. Comment? Reste, je te dis. Je ne comprends pas. Mais si, tu comprends très bien. Enlève ton manteau. Si ton père le voit, c'est lui qui ne comprendra plus. Mais explique-toi. Mais fais ce que je te dis. Moncel paraît. Irène, dissimulée par la porte, laisse tomber son manteau. Moncel va à Jacques. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, mon oncle. Tu ne t'as pas contrarié de m'attendre? Mais du tout. Je vais t'envoyer un mot pour te prier de passer me voir demain matin. En apprenant que tu étais avec Irène, j'ai pensé à t'éviter un dérangement. Je vais la causer un peu avec toi. Veux-tu que nous allions dans mon bureau? Mais certainement. Je ne te retiendrai pas longtemps. Passe, je te rejoins. Tu lui as déjà parlé, n'est-ce pas, Irène? Comment? S'il est au courant, dis-le-moi, ça m'évitera un préambule inutile. Oui. Et alors, sa réponse? Il te la dira. Bien. Il sort. Irène se laisse tomber sur une chaise, près de la table. Il reste pensive, le visage douloureux. Au bout d'un moment, ses yeux s'arrêtent sur le vase où sont les violettes. Elle l'attire à elle, regarde les fleurs, puis, comme si une idée la traversait, elle consulte sa montre, hésite, et enfin étend la main vers le récepteur téléphonique qu'elle décroche. Jacques, un bureau bibliothèque. Jacques est assis dans un fauteuil, un album de photographies ouvert sur les genoux, et songe le regard fixe. Jacques fronce les sourcils, regarde l'heure, et comme résigné se lève. Un domestique paraît. Monsieur reçoit. Et j'attends Madame Meillon, ce doit être elle. Bien, monsieur. Jacques range dans un tiroir l'album de photographies. Ce n'est pas Madame Meillon, monsieur. C'est Mademoiselle de Moncel. Mademoiselle de Moncel? Oui, monsieur. Vous l'avez fait entrer au salon? Oui, monsieur. Bien. Si Madame Meillon arrive, dites-lui que j'ai téléphoné, que je serai un peu en retard, que je m'excuse, et priez-la de bien vouloir revenir vers 4 heures, si elle peut. C'est ça, vers 4 heures. Bien, monsieur. Peux-tu venir par ici? Comment c'est... Ah, bon, le valet de chambre m'avait dit Mademoiselle de Moncel, alors j'avais cru que... Oh, tu avais cru que c'était Irène. Mais oui. Je suis désolée, Jacques. Mais non, pourquoi? Oh, parce que tu dois être très déçue. Mais pas du tout, je suis très contente de te voir, ma petite Gisèle. Un peu étonnée, mais très contente. Tu es étonnée parce que tu trouves qu'à mon âge, on ne vient pas seul chez les messieurs, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas seule, Mademoiselle Marchand m'attend en bas dans la voiture. Ah, tu n'as pas besoin de t'excuser, assieds-toi. Oh, j'ai juste un mot à te dire. Mais assieds-toi tout de même. J'avais d'abord pensé à te téléphoner ce matin pour te demander quand je pouvais venir, mais le téléphone est dans la chambre d'Irène et je ne voulais pas qu'elle pût t'entendre. Ah. Non. Alors, je suis venue de bonne heure pour avoir plus de chance de te rencontrer. Tu vas peut-être trouver que ce que je fais est un peu ridicule et même déplacé, mais ça m'est égal. Voilà, je suis venue pour te dire qu'Irène est très malheureuse. Irène ? Oui. Et tu peux me croire. Si je te le dis, c'est que j'en suis sûre. Depuis pas mal de temps, déjà, je la trouvais bizarre, nerveuse. Plusieurs fois, il m'avait semblé qu'elle avait les yeux rouges. Mademoiselle Marchand aussi l'avait remarqué. Enfin, l'autre jour, j'entre chez elle, par hasard, la croyant sortie, pour téléphoner. Eh bien, elle a eu beau détourner la figure, j'ai très bien vu qu'elle était en train de pleurer. Ah. Et tu sais, pour qu'Irène pleure, il faut qu'il y ait de quoi, ça ne lui arrive pas souvent. Et moi, la voir souffrir, c'est une chose que je ne peux pas supporter. J'aimerais mieux n'importe quoi. Alors j'ai bien réfléchi, et finalement je me suis dit que peut-être tu ne te rendais pas compte et qu'il fallait te prévenir. C'est pour ça que je suis venue. Voilà, Jacques, c'est tout. Est-ce que tu m'en veux de t'avoir dit cela ? Mais je ne t'en veux pas du tout, ma petite Gisèle. Seulement, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi tu as cru devoir m'avertir, moi. Comment ? J'ai beaucoup d'affection pour Irène, mais je ne vois pas bien ce que moi... Oh, Jacques, papa m'a parlé avant de partir. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Oh, rassure-toi. Il m'a parlé sous le sceau du secret. Et tu penses bien que ce n'est pas moi qui irai raconter à qui que ce soit au monde ce qu'il m'a confié. D'ailleurs, je sais très bien que ce n'est pas encore une chose décidée, que vous voulez réfléchir et que tu ne peux rien dire en ce moment parce que tu as des ennuis dans tes affaires. Je sais tout cela. Oh, ça te contrarie que papa m'ait parlé ? Mais non, ça ne fait rien. Tu comprends, c'était difficile qu'il ne me dise rien. Il avait toujours été entendu que nous irions à Rome avec lui. Brusquement, tout est changé. Nous restons et on demande à Mademoiselle Marchand de venir habiter à la maison. Alors, papa s'est cru obligé de me donner quelques explications. Il ne pouvait pas savoir que j'avais tout deviné. Qu'est-ce que tu avais deviné ? Tout. Oh, ce n'était pas très malin. Je savais qu'Irène voulait rester à Paris et que papa ne voulait pas en entendre parler. Là-dessus, tu viens voir Irène, tu as une conversation avec papa et le soir même, il annonce à Irène qu'elle peut rester et qu'il me laissera avec elle pour qu'elle ne soit pas seule. Il n'y avait pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre tout ce que cela voulait dire. Et tu sais, Jacques, j'ai été rudement contente quand j'ai compris. Tu ne peux pas savoir comme j'ai été contente. Vraiment ? Alors, je suis tellement sûre que vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu ne crois pas, toi ? Mais si, ma petite Gisèle. Alors tu comprends maintenant pourquoi je suis venue ? Je comprends, oui. Est-ce que j'ai eu tort ? Non. N'est-ce pas que tu ne te rendais compte de rien ? De rien, en effet. J'en étais sûre. Je l'ai dit à Mademoiselle Marchand. Si Jacques a demandé à papa de laisser Irène à Paris, c'est qu'il l'aime. Et s'il l'aime, il ne peut pas vouloir qu'elle soit malheureuse. Ou alors, c'est qu'il ne s'en aperçoit pas. Oh, d'ailleurs, ça n'a rien d'étonnant. Irène est si fière qu'elle est capable de ne lui avoir même pas laissé voir qu'elle souffrait. Alors naturellement, si personne ne s'en mêle, ça peut continuer indéfiniment. Et il ne faut pas que ça continue. N'est-ce pas, Jacques, qu'il ne faut pas ? Non, ma petite Gisèle, seulement... Oh non, ne me dis rien, je ne veux rien savoir, ça ne me regarde pas. Je t'ai dit, moi, ce que je voulais te dire, le reste, c'est ton affaire. La seule chose que je te demande, c'est qu'Irène ne sache jamais que je suis venue te trouver, parce que ça, elle ne me le pardonnerait pas. Tu me le promets ? Je te le promets. Merci. Non, attends, ne t'en va pas encore, veux-tu ? Est-ce que tu as confiance en moi, Gisèle ? Mais oui, Jacques. Au point de me croire, sans me demander d'explication, même si ce que je te dis te paraît surprenant ou incompréhensible. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben voilà. Tu penses, et c'est tout naturel, qu'il dépend de moi d'empêcher Irène d'être malheureuse, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, tu te trompes. Comment ? Je ne peux rien pour elle, ou si peu de choses. Toi ? Moi, oui. Mais ce n'est donc pas à cause de toi qu'elle est malheureuse ? Non. Non ? Si c'était à cause de moi, je t'assure qu'elle ne le resterait pas longtemps. Maintenant, écoute-moi, je peux tout de même essayer de faire quelque chose pour elle. Ça ne servira peut-être à rien, mais enfin, il faut le tenter. Seulement, j'ai besoin de toi pour ça. De moi ? Oui. J'ai besoin d'une ou deux précisions que tu peux seul me donner. Si je pouvais m'adresser à quelqu'un d'autre, je le ferais, mais je n'ai personne. Si tu trouves que mes questions sont indiscrètes, ou si tu penses que je suis guidé en ce moment... par autre chose que l'intérêt d'Irène, son bonheur, ne me réponds pas. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir ? Je voudrais quelques détails sur la vie qu'elle mène, les gens qu'elle voit. Les gens qu'elle voit ? Mais toi, d'abord. Moi ? Oui. Mais quand en boit-elle ? Mais je ne sais pas. Est-ce que vous ne prenez pas le thé ensemble, habituellement, l'après-midi ? Elle te le dit ? Ah, j'avais compris ça. J'ai pu me tromper. Oui, et... En dehors de moi, qui voit-elle ? Oh, elle ne me raconte pas beaucoup ce qu'elle fait, tu sais. Mais quand elle sort, par exemple, elle ne te dit jamais où elle va ? Elle va à son atelier tous les jours, après le déjeuner. Ah oui. Mais le soir, est-ce qu'elle sort quelquefois ? Le soir, oh non, presque jamais, non. Elle est allée une ou deux fois au théâtre ou au concert, c'est tout. Seule ? Non, avec les Aiguines. C'est en Italie qu'elle les a connues, je crois. Oui, à Florence, l'année dernière. Est-ce que tu les vois quelquefois, toi? Moi, jamais. Pourquoi? Je ne les connais pas, moi. Comment ne les connais-tu pas si Irène est intime avec eux? Ce n'est pas une raison. Elle ne m'a pas proposé de faire leur connaissance et je ne le lui ai pas demandé. Et pourquoi? Ils ne te plaisent pas? Je ne les connais pas. Enfin, est-ce qu'elle t'en parle quelquefois? Non, jamais, non. Et tu n'as jamais eu la curiosité de lui poser des questions sur eux? Oh, je ne pose jamais de questions à Irène. Quand elle me parle la première de quelqu'un ou de quelque chose, tant mieux. Quand elle ne m'en parle pas, tant pis. Mais en somme, tu ne sais rien sur eux. Non, pas grand-chose. Je sais qu'elle est polonaise ou autrichienne, je ne me souviens plus. Autrichienne, oui. Mais de lui, tu ne sais rien? Non. Tu ne sais pas ce qu'il fait dans la vie, de quoi il s'occupe? Non, pas du tout, non. Tu ne sais pas non plus comment il est. Physiquement? Oui. Il est grand, rasé, il a du chic. Et tu l'as vu, alors? Oui. Où l'as-tu vu? Devant la porte, à la maison. Un soir où il avait accompagné Irène, je rentrais juste à ce moment-là, je l'ai vu. Pourquoi? J'étais en classe autrefois avec un Aiguine, je me demandais si c'était le même. Oh non, je ne pense pas, il est bien plus âgé que toi. Ah, c'est peut-être un cousin, alors. Il a plusieurs branches, je sais. Et c'est la seule fois où tu l'as rencontré? Oui, j'ai entendu sa voix dans le téléphone un jour où il demandait à Irène qui n'était pas encore rentrée, c'est tout. Mais est-ce qu'il vient la voir quelquefois? À la maison? Non, jamais. Et tu ne sais pas où ils habitent? Avenue Victor Hugo, mais j'ai oublié le numéro. Ils sont dans l'annuaire des téléphones. Ah, bien. Ils t'intéressent tant que ça, les Aiguilles? Oh, ils m'intéressent. Ils m'intéressent parce que ce sont des amis d'Irène, voilà tout. C'est tout ce que tu voulais me demander? Mais oui, ma petite Gisèle. Tu ne m'as pas appris grand-chose. Je savais à peu près tout ce que tu viens de me dire. Mais notre conversation n'aura tout de même pas été inutile. Ah, il est bien entendu, n'est-ce pas, qu'Irène doit toujours l'ignorer. Je te le promets. Je sais que je peux compter sur toi. Jacques, avant de partir, je voudrais te poser une question, moi aussi. Mais oui, bien sûr. Ce que tu vas essayer de faire pour Irène, tu ne peux pas me le dire? Non, Gisèle. D'ailleurs, il y a si peu de chances pour que ça réussisse. Oui, mais enfin, si tu l'essayes, c'est que tu penses tout de même que ça peut réussir. Bah, mettons qu'il y ait une chance sur 10, si tu veux. Alors, si ça réussit, est-ce que ça veut dire que vous vous épouserez? Dis. Non. Ah. Et pourtant, tu l'aimes. Tu crois? Oh, il y a longtemps que je le sais, va. Tu l'aimes depuis l'été où tu es venue à Moncel. Ça ne suffit pas, vois-tu. C'est elle qui ne t'aime pas. Mais oui, tout simplement. Tu es sûr? Tout à fait. Quel dommage. Tu trouves? Au revoir, Jacques. Au revoir, mon petit. Elle le regarde tristement, gardant sa main dans la sienne. Puis, dans un brusque mouvement de tendresse, l'embrasse sur les deux joues. Et sort. Il l'accompagne, revient au bout d'un instant, s'assied devant son bureau et paraît réfléchir. Puis il ouvre l'annuaire du téléphone, le consulte, attire à lui l'appareil et décroche le récepteur. Allô, Passy 8342. Allô. Allô, je suis chez Monsieur Deguin. Est-ce que monsieur est là, je vous prie? Ah. Et où est son bureau? Comment? Bien, merci. Vous ne savez pas jusqu'à quelle heure il y est. Je vous remercie. Il raccroche, fait quelques pas en réfléchissant, puis se met à sa table, prend une feuille de papier à lettres et commence à écrire. Au bout d'un moment, il s'arrête, relit ce qu'il a écrit, puis mécontent, froisse la feuille de papier et en prend une autre. Quand il a terminé, il sonne et glisse la lettre dans une enveloppe sur laquelle il met l'adresse. Georges paraît. Monsieur a sonné? Oui. Vous allez prendre un taxi et porter cette lettre à son adresse. C'est une banque. Si on vous dit que ce monsieur est là, vous remettrez la lettre et vous attendrez la réponse. Bien, monsieur. S'il n'y est pas, vous me rapporterez la lettre. Et vous demanderez si en venant le matin, on a des chances de le trouver. Ne donnez pas mon nom, c'est inutile. Bien, monsieur. Vous avez bien compris? Oui, monsieur. Allez ouvrir. Si c'est Madame Meillan, monsieur, que dois-je dire? C'est elle. Vous la faites entrer. Je peux quand même laisser à la porte. Vous devriez bien dire à Jean de l'ouvrir un peu plus vite. C'est toujours dans les escaliers qu'on se fait rencontrer. J'aime ce pluriel. Quoi? Non, rien, c'est pas la faute de Georges, c'est la mienne. J'étais en train de lui donner un ordre. Raison de plus, alors. Bonjour. Bonjour, Françoise. Oh, tout de même. Vous ne me laissez pas placer un mot. Vous êtes guère aimable aujourd'hui. Moi, monsieur. Pourquoi n'êtes-vous pas venu hier soir chez les Van Garten? J'ai pas pu. Je vous ai attendu jusqu'à minuit et demi, avec un mal de tête épouvantable. Vous auriez pu au même prévenir. Mais je vous avais dit que je ne pourrais probablement pas y aller. J'ai entendu, mais quand j'avais beaucoup insisté, quand je vous avais dit que vous me feriez plaisir en venant me chercher, je m'étais figuré que vous vous imposeriez ce petit effort. Je vois que ce temps est passé où je pouvais vous demander ce genre de choses. Je suis désolé, François. Enfin, qu'est-ce que vous faisiez de si captivant, si je ne suis pas indiscrète? Je dînais chez mon frère et j'en suis sorti très tard. Vous ne pouviez pas dire que vous aviez une soirée? Mais il arrivait de voyage, je ne l'avais pas vu depuis 2 mois. Évidemment, c'était beaucoup plus intéressant que de venir me retrouver. Mais franchement, quel intérêt ça avait-il? Vous savez que j'ai horreur de ces soirées-là, François. J'avais horreur de tout ce qui m'est agréable. Mais non! Mais si, c'est toujours la même chose. Je commence à en avoir l'habitude. Seulement, vous avez peut-être eu tort de ne pas venir hier, mon petit Jacques. Vraiment? Oh, je dis ça. Et puis, au fond, tout vous est tellement égal, maintenant. Qu'est-ce qui m'est égal? Eh bien, mais qu'on me fasse la cour, par exemple. Ah, on vous a fait la cour? Ah, c'est, oui. Là, vous savez, quand on commence à voir dans le monde qu'une femme arrive seule, par seule, et que le monsieur qu'on avait l'habitude de voir auprès d'elle ne paraît plus, les hommes lui témoignent tout de suite beaucoup plus d'intérêt. Et comme en plus de ça, j'avais hier soir une très jolie robe. Laquelle? Vous ne la connaissez pas. Non, j'avais hésité à la commander à cause de vous, figurez-vous. J'avais peur que vous ne la trouviez trop décolletée. Oh, j'ai joliment bien fait de la prendre tout de même. Elle a eu un succès fou. Alors, tant mieux. J'ai tout de suite vu qu'elle était réussie au regard des femmes quand je suis entrée. Pas celui des hommes? Si, mais un peu plus tard. Les femmes voient ça plus vite. Ah. J'ai l'impression du reste que j'étais assez en forme hier. Malgré le mal de tête? Oui, malgré le mal de tête. Du moins, on me l'a beaucoup dit. Vraiment? Beaucoup. Et qui ça, par exemple? Oh, mais qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça m'intéresse vivement, vous n'en doutez pas, j'espère. Eh bien, je sais pas, moi, plusieurs hommes qui étaient là. Entre autres, votre ami Moreuil, tenez, qui ne m'a pas quitté de la soirée. Tiens, je le croyais en Amérique. Il en est revenu. Il en est revenu extrêmement galant. Il a absolument voulu m'accompagner jusqu'à ma porte. Et comme j'ai eu le malheur de dire qu'Alfred avait le sommeil très dur, j'ai vu le moment où il allait me proposer de monter. Pas possible. Oui, je crois même entre nous qu'il me l'a proposé. Ce vieux Moreuil. Et alors, vous disiez qu'il vous avait... Oh, je vous en prie, n'est-ce pas? Parlons d'autre chose. Et comme vous voudrez, Françoise. Écoutez, Jacques, je n'avais pas, je vous assure, en venant ici, l'intention de vous faire une scène. Mais on jurait vraiment que vous avez décidé de m'exaspérer. J'ai supporté bien des choses depuis quelque temps, mais cette fois, ça dépasse la mesure. Allons, bon. Mais je comprends très bien que vous ne m'aimiez plus, c'est votre droit. Mais alors dites-le, c'est si simple. Nous ne sommes pas jurés un amour éternel, n'est-ce pas? Soyez donc sincères une fois, ça vaudra mieux. Et il n'y a rien de changé, François. Oh, vous trouvez? Eh bien, laissez-moi vous dire que si vous n'aviez jamais été plus amoureux qu'aujourd'hui, vous n'aurez tout de même pas cédé. Ah non! Vous avez cédé beaucoup trop vite, ça je le reconnais. Vous m'auriez aimé davantage si je m'étais fait désirer plus longtemps. Vous me plaisiez, je voulais laisser voir, mais tant pis pour moi. Mais au moins, dans les premiers temps, je pouvais conserver quelques illusions sur votre amour. Tandis qu'à présent... Je vous assure, Françoise, que mes sentiments pour vous n'ont pas varié. Ce qui veut dire? Eh bien, mais... Mais que vous ne m'avez jamais aimé, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça. Oui, mais vous le pensez. Eh bien, moi, voilà la franchise, à la bonne heure. Enfin... Mais alors, si vous ne m'aimiez pas, pourquoi m'avez-vous demandé d'être votre maîtresse, hein? Voulez-vous me le dire? Je pourrais vous répondre que je ne voulais pas demander, mais... Vous ne me l'avez pas demandé? Mais non, Françoise. Oh, ça alors! Souvenez-vous... Alors c'est moi sans doute qui vous ai supplié de devenir mon amant. Non! Enfin, faut que ce soit l'un des deux, si ce n'est pas vous, ça peut être que moi. Mais écoutez, François, si nous parlions d'autre chose... Ah non, quand vous m'aurez expliqué ce que vous avez voulu dire. Eh bien, mettons que je n'ai rien dit, là. Non, vous ne tirerez pas comme ça, ce serait trop facile de dire une insolence. Je vous ai dit une insolence, hein? Dame, si vous n'appelez pas ça une insolence, de dire à une femme qui est votre maîtresse depuis 6 mois qu'on ne lui a jamais demandé de le devenir, alors qu'est-ce que c'est? Dans ce cas, je vous fais toutes sortes d'excuses. J'ai simplement cédé au besoin de remettre les choses au point. J'ai eu tort, là, pardonnez-moi. Remettre les choses au point? Par conséquent, vous y revenez! Rappelez-vous notre première conversation, François. Notre première conversation? Oh, l'une des premières, si vous voulez. Ça se passait à Versailles, le long du Grand Canal. Vous m'aviez téléphoné le matin pour me proposer de m'emmener prendre l'air à la campagne. Nous avons laissé votre voiture à l'entrée du parc, si vous vous souvenez. Je me souviens, n'est-ce oui. pas? Nous avons commencé à faire quelques pas, et brusquement, vous m'avez dit cette phrase que j'ai retenue. En somme, la grande erreur que commettent les femmes, c'est de choisir le même homme pour faire l'amour et pour en parler. J'ai trouvé ça drôle et j'ai répondu « Évidemment, on ne peut guère espérer être à la fois le premier en composition française et en gymnastique. » Vous avez fait chorus et vous avez ajouté, aimablement, « Ainsi vous, je suis sûr que vous devez être très mauvais en composition française. Oui. » Là-dessus, nous avons échangé des considérations pleines d'originalité, mais dont je n'ai pas conservé un souvenir exact sur le commerce des hommes et des femmes, et finalement, vous avez déclaré que vous ne voyez pas ce qui pouvait empêcher deux êtres qui éprouveraient l'un pour l'autre une attirance physique d'établir entre eux une camaraderie de gestes, pourvu qu'il fût bien entendu que toute incursion dans le domaine sentimental serait rigoureusement interdite. J'ai trouvé que l'idée était séduisante, et comme cette conversation nous avait ramené à votre voiture et que c'était l'heure du thé, je vous ai proposé de rentrer le prendre chez moi à Paris, ce que vous avez eu la bonne grâce d'accepter. Voilà exactement comment les choses se sont passées, François. Eh ben, qu'est-ce que ça prouve ? Mais j'ai toujours cru, moi, que nous avions arrêté ce jour-là les bases de notre association. Oh, comme si toutes les paroles qu'on dit dans ces cas-là avaient la moindre importance. Ah, mais elles en avaient pour moi, François. J'ai pris les engagements que je pouvais tenir. Si j'en avais pris d'autres, j'aurais été malhonnête. Mais vous l'êtes en ce moment, mon cher. Vous trouvez qu'il était si indigne de vous, de m'aimer ? Mais il ne s'agit pas de ça. C'est extraordinaire que ça puisse vous paraître. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent autrement. Mais j'en suis sûr, Françoise. Vous êtes une femme extrêmement séduisante. Mmh. Et je sais que beaucoup d'hommes voudraient être à ma place, non ? Je suis désolé de me faire si mal comprendre. J'ai simplement voulu dire que, dans les circonstances où nous nous sommes rencontrés, je ne pouvais pas vous promettre autre chose que ce que je vous ai promis. Voilà tout. Parce que vous en aimiez une autre, sans doute. Vous l'aimez encore, n'est-ce pas ? Dites-le. Mais dites-le donc. Ça, Françoise, c'est du domaine sentimental. Je n'ai jamais pénétré dans le vôtre. Vous me rendrez cette justice. Alors respectez le mien. Qui est-ce ? Non, écoutez, je vous en prie. Vous ne voulez pas le dire ? Il n'y a rien à dire. Oh, je le saurais, ça ne va pas être bien difficile. Je la connais. Je vous assure, Françoise, que vous perdez votre temps. Voyons, voyons. Une femme que vous aimiez déjà il y a 6 mois et qui ne vous aime pas. Et pensez-vous qu'elle ne m'aime pas ? Dame, parce que sans ça, j'imagine que vous n'auriez pas cherché des distractions ailleurs. C'est bien tout ce que j'ai été pour vous, en somme. Une distraction. Non, mais vous vous trompez, Françoise. Vous êtes bien aimable, mais vous ne croyez pas obligé de protester. Attendez. Oh, je parie que je sais qui c'est. Ah ? La petite Barentier. Voilà. C'est pas elle ? Si, c'est elle. Oh, Dieu, vous m'agacez. Oh, François, si nous changeons de conversation. À ce moment, Georges paraît à la porte du bureau. Jacques, en le voyant, se lève. Je vous demande pardon. Eh bien, Georges. J'ai remis la lettre, monsieur. Vous avez trouvé ce monsieur ? Oui, monsieur, il ne m'a pas donné de réponse, mais il fait dire à monsieur qu'il va venir le voir. Ah, comme ça ? À présent, monsieur. Comment ? Tout de suite ? Oui, monsieur, il m'a demandé si monsieur était chez lui. Ma foi, j'ai dit que je pensais que oui. Alors, il a dit qu'il allait venir. C'est bien. Vous le prendrez au salon quand il sonnera, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Vous attendez quelqu'un ? Oui, François, je m'excuse. C'est un homme d'affaires avec qui j'ai à causer d'une question assez urgente au sujet de mes intérêts du Maroc. Mais oui, mais oui. Oui, je ne prévoyais pas cette visite. Du moins, je ne la prévoyais pas pour aujourd'hui, sans ça. Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien du tout. D'ailleurs, nous n'avions plus grand-chose à nous dire, n'est-ce pas ? Mais je ne sais pas, Françoise. Voyez-vous, Jacques, je m'aperçois que dans le dialogue que nous entretenons depuis 6 mois... J'ai fait un peu trop les demandes et les réponses. Alors je trouve que ça suffit comme ça, que le moment est venu de mettre un point à la ligne. Ce n'est pas votre avis ? Mais comme vous voudrez. Ah bon ? Quoi ? Rien, rien. J'avais cru que vous ne fissiez des difficultés. Oh, pour la forme, je vois que vous avez courageusement pris votre parti et que vous ne jugez même pas utile de protester. À la bonne heure, je vous félicite de votre résignation. À quoi pensez-vous ? Mais à vous, à ce que vous venez de dire ? Non. Je vous demande pardon, Françoise. Je suis en effet assez préoccupé de cette visite que j'attends. Il faut m'excuser. Est-ce que nous ne pourrions pas nous voir un peu plus tard ? Demain, par exemple. Pourquoi faire ? Non, mais je voudrais essayer de vous expliquer, de me justifier. À quoi bon ? J'ai compris, je vous assure. J'ai même très bien compris. Non, François... Ne faites pas attention. C'est fini. Maintenant, disons-nous adieu gentiment, en gens bien élevés que nous sommes et... Et en bon camarade. Je vous regretterai, mon petit Jacques. Non, voyons. Si, je vous assure. C'est pas votre faute. Vous appartenez à l'espèce des hommes qu'on regrette, vous. Malgré tout, nous avons tout de même quelques souvenirs pas trop désagréables, non ? C'est, Françoise, de charmants souvenirs. Même si, comme vous le dites, ce ne sont pas des souvenirs d'amour. Je ne les renie pas pour cela, moi. Et puis, voyez-vous, Jacques, quand une femme s'engage à vous aimer, il ne faut pas toujours la croire. Mais quand elle s'engage à ne pas vous aimer, eh ben, faut pas trop la croire non plus. Ma petite Françoise. Allons, nous attendrissons pas. Permettez-moi au moins de vous écrire. C'est ça. Écrivez-moi une belle lettre pleine de pensées délicates et un peu mélancoliques sur les choses qui finissent. Et faites-la moi porter par votre fleuriste avec quelques-uns de ces beaux œillets que j'adore. J'attendrai qu'ils soient fanés pour tâcher de vous oublier. Au revoir. Elle lui tend la main. Il y pose ses lèvres. Non, attendez une seconde, voulez-vous? Il entr'ouvre la porte et écoute un instant. Puis l'ouvre au moment où Georges paraît. C'est ce monsieur-là? Oui, monsieur. C'est bien. Georges se retire. Jacques s'efface pour laisser passer Françoise qui lui fait un petit signe de tête et se retourne la porte franchie. Désolé, vous n'oublierez pas. Elle sort, il l'accompagne, puis reparaît au bout d'un instant et va ouvrir l'autre porte de son bureau. Voulez-vous prendre la peine d'entrer par ici, monsieur? Il s'écarte de quelques pas, et Guine, pareil, s'arrête, puis va à lui la main tendue. Comment vas-tu? Comment c'est... Ben, c'est moi, oui. Tu ne savais donc pas que c'était à moi que tu écrivais cette lettre? Mais non, sans sage. Tu ne m'aurais pas donné du monsieur, j'espère. Mais mon nom ne t'avait rien dit? Mais si, mais j'avais cru comprendre que le déguine auquel j'avais affaire était quelqu'un de plus âgé. Quelqu'un de plus âgé? Pourquoi? Enfin, peu importe. Je me souviens que tu avais des cousins. J'ai cru qu'il s'agissait de l'un d'eux. Voilà. Ah, hein. Mais à quel propos? Bien, je t'expliquerai. Assieds-toi. Tu me regardes. Tu me trouves changé, hein? Tu ne m'aurais pas reconnu, j'en suis sûr. Non, si, tout de même. Ah, dame, c'est qu'il y a quelque chose comme 20 ans que nous ne nous étions pas vus. Depuis l'heureux temps où nous usions nos fonds de culotte sur les bancs de Gerson. Et 20 ans, ça marque. Dans certains cas, du moins. Toi, en revanche, tu n'as presque pas changé. Ça me fait plaisir de te revoir, tu sais. Merci. C'est drôle que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Je dois dire que je n'ai pas été beaucoup en France, moi. Eh bien, et toi, qu'est-ce que tu es devenu? Tu n'as pas été au Maroc à un moment? Si. Mais qui donc m'avait dit ça? Ah, je sais, oui, c'est Sicard. Tu te rappelles, le gros Sicard. Je l'ai rencontré un jour à Madrid, nous étions au même hôtel. Il arrivait de Casablanca, je crois, où il t'avait vu. Oui. Et maintenant, tu es ici tout à fait? Tout à fait, oui. Ah, comme c'est drôle, la vie. Alors, tu ne savais pas que le déguine auquel tu demandais un rendez-vous, c'était moi? Non. Eh bien, moi, je n'ai pas eu d'hésitation en lisant ta signature. C'est pour ça que je suis venu tout de suite. Jacques Virieux, demandant à me voir, ça exigeait de ne pas le faire attendre. C'est seulement à cause de ça que tu es venu tout de suite? Bah, dame, comme je n'ai pas la moindre idée de ce que tu veux me dire... Tu n'en as pas la moindre idée? Ah, ma foi, non. Ah. Mais dis donc, mais tu m'intrigues, tu sais. Tu as les allures d'un juge d'instruction, ma parole. De quoi s'agit-il? De qui conviendrait mieux? Ah bon, bah de qui, si tu veux. Alors, de qui s'agit-il? D'Irène de Moncel. D'Irène de Moncel? Oui. On dirait que tu commences à comprendre. Non. Qu'est-ce que tu peux avoir à me dire à propos de Mademoiselle de Moncel? Tu ne t'en doutes pas? Mais non. Eh bien, je suis un peu son cousin, mais je suis surtout et depuis très longtemps son ami. Un de ses meilleurs amis. Disons... le meilleur, si tu veux. Eh bien, tu le savais, n'est-ce pas? Je ne savais même pas que tu la connaissais. Bon, elle n'a jamais parlé de moi devant toi? Jamais. Elle n'a pas parlé non plus du rôle que quelqu'un jouait en ce moment pour elle? Quel rôle? Tu ne sais pas que quelqu'un a accepté de passer aux yeux de son père pour son fiancé, ou quelque chose d'analogue? Son fiancé? Pour détourner les soupçons de son père et lui permettre de rester à Paris, oui. C'est à toi qu'elle a demandé ça? Oui. Et tu l'as fait? Oui. Tu ignorais tout ça? Moi? Mais oui, naturellement. Tiens. Je m'étais figuré, moi, que tu devais être au courant. Ah ça, mais où veux-tu en venir? Non, j'ai simplement voulu que tu saches les titres que j'avais pour te parler d'elle comme il me reste à le faire. Oui, eh bien, je regrette, mais je n'ai aucun titre, moi, pour écouter ce que tu peux avoir à dire au sujet de cette jeune fille. Non, assieds-toi, veux-tu... Non, c'est inutile, je te répète que ça ne me regarde pas. Non, non, voyons, calme-toi, sinon je finirai par croire que ça te regarde beaucoup, au contraire. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'un soupçon que j'avais déjà avant la visite est en train de se préciser étrangement depuis 5 minutes. Bon, eh ben, garde ton soupçon et laisse-moi m'en aller. Je te jure que tu m'écouteras. Mais tu es fou, ma parole! Non. Tu veux que je t'écoute? Oui. Tu as tort, je te l'ai dit. Nous verrons. Je t'ai prévenu, fais ce que tu voudras. Oh, ça ne sera pas long, rassure-toi. Si, contrairement à ce que je suppose, ce que j'ai à dire ne te concerne pas, eh bien, tu sauras certainement à qui il faut le répéter, voici. Quand un homme occupe dans la vie d'une jeune fille la place que celui pour lequel je parle occupe dans la vie d'Irène, quand il lui fait faire ou lui laisse faire, ça revient au même, ce qu'elle a fait pour ne pas s'éloigner de lui, il n'a aucune excuse valable, tu entends, aucune, pour ne pas l'épouser. S'il est libre, cela va de soi. S'il ne l'est pas, il s'arrange pour le redevenir à n'importe quel prix et le plus vite possible. Voilà. C'est tout ? À peu près. Car je ne veux pas envisager l'hypothèse où le personnage en question serait un malhonnête homme. Dans ce cas-là, le devoir d'un ami est simple, prévenir le père pour qu'il protège sa fille, mais j'espère qu'il ne sera pas nécessaire d'en arriver là. Tu as fini cette fois ? Oui. Alors, écoute-moi. À moins que je n'aie la berlue, il résulte de tout ceci que tu me crois, ou peu s'en faut, l'amant de Mademoiselle de Moncel. C'est bien ça, n'est-ce pas ? C'est l'hypothèse la plus vraisemblable, en effet. Eh bien, regarde-moi. Et malgré l'état de surexcitation où tu parais être, tâche de voir clair. Je te donne ma parole d'honneur que tu te trompes, que je ne suis et n'ai jamais été pour elle autre chose qu'une relation, tu entends ? Même pas un ami. Maintenant, crois-moi ou ne me crois pas, c'est ton affaire. Je n'ajouterai rien à ce que je viens de te dire. Et sois certain que si j'ai pris la peine de te détromper au lieu de partir en haussant les épaules, comme lorsqu'on a affaire à un fou, c'est uniquement en souvenir de notre ancienne amitié, voilà. Alors, qui est ? Je n'en sais rien, moi. Est-ce qu'elle a un amant ? Oui. Elle te l'a dit ? Mais elle me l'a laissé comprendre, ça revient au même. Ah, pas toujours, tu t'es peut-être un peu trop pressé de conclure. Allons donc, c'est la seule explication possible. D'ailleurs, si ce n'était pas vrai, elle m'aurait détrompé, car elle n'a pas pu douter une seconde que j'en ai été convaincu. En tout cas, je regrette, mais je ne peux te fournir aucun renseignement, et si tu n'as rien d'autre à me dire... Non, mais tu vas pas t'en aller. Mais si, il faut que je m'en aille, au contraire. Je suis venu tout de suite dès que j'ai eu ta lettre, mais je quitte Paris dans quelques jours. J'ai beaucoup à faire. Non, je te supplie de rester. Tu es la seule personne qui puisse m'aider à trouver, et il faut que je trouve. Mais puisque je ne sais rien... Mais c'est pas possible. Tu as une idée, un soupçon, la voyant continuellement, sachant la vie qu'elle mène... Qui elle voit ? Mais tu te trompes, je ne la vois pas continuellement. Il arrive qu'elle sorte avec nous de temps en temps, mais je suis beaucoup moins lié avec elle que tu ne parles, quoi. Oh, voyons, elle ne voit pour ainsi dire plus personne que vous. Elle passe son temps chez vous. Tu ne peux pas ne pas savoir quelque chose. Je ne sais rien. Je ne te crois pas. Ah, écoute, en voilà. Je t'ai cru tout à l'heure, je t'ai cru sans preuve. Quand tu m'as dit que tu n'étais pas son amant, tu disais la vérité à ce moment-là. Maintenant, non, tu mens. Non, tu mens pour ne pas trahir le secret d'un autre qui probablement est ton ami. C'est ça, n'est-ce pas ? Je ne sais rien. Mais tu ne comprends pas qu'il faut venir au secours de cette petite ? Qu'on ne peut pas la laisser s'enfoncer chaque jour un peu plus dans une histoire où elle est en train de se perdre ? Et ce n'y avait que ça. Mais naturellement, elle a commencé à souffrir. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre ? A-t-elle senti qu'il allait la lâcher ? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'elle passe son temps enfermée dans sa chambre à sangloter. Voilà où elle en est. Oh, ça... Ouais, ça t'est égal à toi, bah pas à moi. Je donnerai ma vie, tu entends ? Ma vie ! Pour qu'elle soit heureuse. Tu l'aimes donc ? Je suis son ami. Alors, réponds-moi, on ne fait pas ce que tu as fait par simple amitié. On n'accepte pas de jouer cette comédie de fiançailles et surtout, on ne se met pas dans l'état où tu es depuis un moment. Tu l'aimes ? Eh ben oui, je l'aime, là, je l'aime depuis 10 ans et je n'aimerai jamais qu'elle. Et après ? Tu l'aimes ? C'est vrai ? Ouais. Alors, fous le camp, mon vieux. Va-t'en n'importe où, mais très loin, pour très longtemps et ne reviens que quand tu seras guéri. Voilà ce que je peux te dire. Qu'est-ce que ça signifie ? Je te donne un conseil, un bon conseil, c'est tout. Mais tu vas m'expliquer ce que tu as voulu dire. Mais il n'y a rien à expliquer. Tu aimes cette jeune fille et d'après ce que tu me dis, elle aime quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, il me semble que la seule chose à faire, c'est de partir. Tu ne trouves pas ? Partir en la laissant entre les mains de l'autre ? D'un bel âtre probablement qui a eu envie d'elle et qui lui a fait croire qu'il allait l'épouser ? N'est-elle vraiment si naïve ? Oh, une femme est toujours naïve la première fois qu'elle aime et elle, c'est la première fois, j'en suis sûr. Si elle avait dû aimer quelqu'un d'autre, c'est moi qu'elle aurait aimé, moi qui l'adorais. Et qui ai vécu jusqu'à l'année dernière dans l'espoir qu'elle finirait par devenir ma femme. Et elle le serait devenue, tu entends, si l'autre n'était pas arrivé. J'ai pas lutté, ce n'est pas la peine. Seulement, puisqu'il a fait mon malheur à moi, je veux au moins qu'il fasse son bonheur à elle. Et pour ça, il faudra bien que je le trouve. Tu ne peux rien pour elle. Qu'en sais-tu ? Personne ne peut rien pour elle. Parce que ? Allons, voyons, tu viens de te trahir. Tu ne vas pas continuer à prétendre que tu ne sais pas tout. Tu ne peux plus te taire à présent. Laisse-la, ne te mêle pas de cette histoire, crois-moi, et ne me demande rien de plus. Mais enfin, voyons, tu ne supposes pas que je vais me contenter de ces phrases énigmatiques qui n'ont qu'un résultat, celui de m'inquiéter davantage. Ce n'est pas un conseil que je te demande, c'est un nom. Le nom de son amant ? Elle n'a pas d'amant, là. Es-tu content ? Quoi ? Mais ça vaudrait peut-être mieux pour elle d'en avoir un. Je ne comprends pas. Un amant, quand il serait le pire des hommes, on lui échappe, on s'en guérit, tandis qu'elle... Bah quoi, achève. Ça n'est pas le même esclavage et... celui-là. Pas le même esclavage. Il n'y a pas qu'un homme qui puisse être dangereux pour une femme. Dans certains cas, une femme peut l'être. Voilà. Une femme? Oui. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est à cause d'une femme qu'Irène a refusé de suivre son père à Rome? Oui. C'est à cause d'une femme qu'elle pleure? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire comme il y en a, quoi que puissent en penser les hommes. Une de ces histoires auxquelles ils ne croient pas, en général, ou bien qui les font sourire, assez amusés, et plutôt indulgents. Bon, enfin, voyons, c'est impossible, Irène est beaucoup trop équilibrée. Mais qu'est-ce que ça prouve? Tu es sûr de ça? Oui. Tu la connais, cette femme? Je la connais, oui. Oh, je suis stupéfait. Et un peu soulagé, n'est-ce pas? Mesdames, après ce que j'avais redouté... Tu préfères. Eh bien, tu as tort de préférer. Comment, tu aimerais mieux qu'elle eût un amant? À ta place, 100 fois, 1000 fois mieux. Fou. Mais c'est toi qui es fou. S'il avait un amant, je te dirais patience, mon vieux, patience et courage, rien n'est perdu. Un homme, ça n'est pas éternel dans la vie d'une femme. Tu l'aimes, elle te reviendra si tu sais l'attendre. Mais là, je te dis, ne l'attends pas, ça n'est pas la peine, elle ne reviendra pas. Et si jamais le destin la remet sur ta route, fuis-la. Fuis-la, tu entends, ou sinon tu es perdu. Tu passeras ta vie à courir après un fantôme que tu ne rejoindras jamais, car on ne les rejoint jamais. Ce sont des ombres. Il faut les laisser se promener entre elles dans leur royaume d'ombre. Ne pas s'en approcher, elles sont dangereuses. Surtout ne pas vouloir être quelque chose pour elles, si peu que ce soit. C'est ça le danger. Car elles ont tout de même un peu besoin de nous dans la vie. Ça n'est pas toujours facile pour une femme de vivre. Alors, si un homme lui propose de l'y aider, de partager ce qu'il a avec elle et de lui donner son nom, elle accepte, naturellement. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Pourvu qu'on ne lui demande pas d'amour, elle n'est pas avare du reste seulement. Imagines-tu ce que peut être l'existence de cet homme s'il a le malheur d'aimer, lui, d'adorer l'ombre auprès de laquelle il vit? Dis, l'imagines-tu? Eh bien, crois-moi, mon vieux, c'est une sale existence. On s'use vite à ce métier-là. On vieillit avant l'âge, et à 35 ans, regarde, on a les cheveux gris, voilà. Mais comment? Eh ben oui, que mon exemple te serve au moins à toi. Comprends-tu? Elles ne sont pas pour nous, il faut les fuir, les laisser. Ne fais pas comme moi, ne dis pas, comme j'ai dit dans des circonstances presque identiques à celles où tu te trouves, ne dis pas, ah oh, bon, ce n'est que ça, amitié passionnée, intimité trop tendre, oui, pas très grave, nous connaissons ça. Non, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas ce que c'est mystérieux et redoutable. L'amitié, oui, ça, c'est le masque. Sous le couvert de l'amitié, une femme s'introduit dans un ménage quand elle veut, comme elle veut, à toute heure du jour, et elle y empoisonne tout, elle y saccage tout, sans que l'homme dont on est en train de détruire le foyer s'aperçoive seulement de ce qui lui arrive. Ah, quand il s'en aperçoit, c'est trop tard, il est seul. Seul devant l'alliance secrète de deux êtres qui s'entendent, qui se devinent parce qu'ils sont pareils, parce qu'ils sont du même sexe, d'une autre planète que lui, l'étranger, l'ennemi, voilà. Ah, contre un homme qui veut vous prendre une femme, on peut se défendre, on lutte, au moins, armes égales, et on a la ressource de lui casser la figure, mais... Là, il n'y a rien à faire qu'à partir. Quand on le peut, quand on en a la force. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et pourquoi ne pars-tu pas, toi? Oh, moi, ça n'est pas pareil. Je ne peux pas l'abandonner. Nous sommes mariés depuis 8 ans. Où irait-elle? Et puis, il est trop tard, je ne pourrai plus vivre sans elle. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Je l'aime. Tu ne l'as jamais vue? Non. Ah, tu comprendrais mieux si tu la connaissais. Elle a toutes les séductions, toutes. Dès qu'on l'approche, on subit, je ne sais pas comment dire, une espèce de charme. Oh, pas moi seulement, tout le monde. Mais moi, plus que tout le monde, puisque je vis près d'elle. Je crois bien que c'est l'être le plus charmant, le plus harmonieux qui ait jamais existé. Quand je suis loin d'elle, j'ai quelquefois la force de la haïr pour tout le mal qu'elle me fait, mais près d'elle, je ne discute pas, je la regarde. Je l'écoute. Je l'admire. Dis-moi pourquoi Irène souffre. Ça, je n'en sais rien. Il ne pense pas que je reçoive de confidences, n'est-ce pas? Elle souffre sans doute comme peut souffrir un être faible aux prises avec un être fort, tant qu'il n'a pas abdiqué. Irène, un être faible? Devant l'autre, ah oui. Elle se débat peut-être encore. Ah, c'est pour ça qu'elle souffre? Pour ça ou pour autre chose. Elle n'a que l'embarras du choix. Explique-toi. Et pourquoi ne souffrirait-elle pas? Je souffre bien, moi. C'est pour la même chose. Tu crois? J'imagine au contraire que ça doit beaucoup se ressembler. Il n'y a qu'une façon d'aimer, va, et qu'une manière de souffrir. C'est la même formule pour tout le monde. Et sous ce rapport-là, nous pouvons nous donner la main, elle et moi, depuis quelque temps. Comment? Elle n'a pas encore l'habitude. Moi, je l'ai. Je ne suis pas sûr de te comprendre. Tu n'as pas entendu parler d'un voyage? Un voyage? En Méditerranée, sur un yacht américain. Non? Non. Elle fait partie de ce voyage? Ah, je ne sais pas, c'est pour ça que je te demande si elle t'en a parlé. Pour, elle ne me parle jamais de rien, et puis je la vois si peu. À sa place, je refuserais d'en faire partie. Ah. Mais je doute qu'elle le puisse. Enfin, ça, c'est son affaire. Ce qui importe, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Suivras-tu mon conseil? T'éloigneras-tu? Je ne sais pas encore, je vais voir. N'attends pas, mon vieux, crois-moi. Tu t'exagères le danger en ce qui me concerne. Je la vois très peu, je te le répète. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Elle sait bien te prouver qu'elle a besoin de toi, tu t'en es aperçu. Eh bien, c'est comme ça que même prévenus, nous les laissons prendre. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Mais où veux-tu que j'aille? Mais n'importe où, pourvu que ce soit loin. Tu n'as pas conservé d'intérêt au Maroc? Si, mais... Eh bien, retourne-y pendant quelque temps. Là, au moins, elle ne t'aura plus sous la main. Je t'assure que si tu la connaissais mieux, tu te rendrais compte que tes craintes sont chimériques. Elle a pu se tourner vers moi dans un moment d'affolement, mais de là à recommencer, elle est beaucoup trop fière pour ça. Et puis, je ne vois vraiment plus à quoi je pourrais lui servir. Est-ce qu'on sait? Si tu ne veux pas partir, alors trouve une femme qui te plaise, une vraie qui aime l'amour, celle-là, notre amour, et tâche qu'elle te fasse oublier l'autre. J'ai déjà fait ça. Ah? Et ça n'a pas suffi? Eh ben, tu vois que je n'exagérais pas tant que ça le danger. Alors il n'y a plus que l'absence, et à ta place, je ne tarderai pas. Maintenant, ça te regarde après tout. Tu attends quelqu'un? Non. Je te laisse en tout cas. Au revoir, Jacques. Merci. Oh, si je pouvais au moins t'avoir convaincu. Qu'est-ce que c'est, Georges? Mademoiselle de Moncel demande si monsieur peut la recevoir. Tiens. J'ai dit que j'allais voir si monsieur était là. Bien, faites l'entrée au salon et fermez la porte sur l'antichambre. Bien, monsieur. C'est mademoiselle Irène. Oui, monsieur. Je ne m'attendais pas à cette visite, par exemple. Dis-moi, tu n'as pas, j'imagine, l'intention de révéler à Irène de Moncel un seul mot de notre conversation, n'est-ce pas? Tu es fou. Crois-tu qu'elle me pardonnerait de savoir? Bien. C'est tout. Maintenant, bonne chance. Et souviens-toi que tu auras beau faire, elle n'est pas pour toi. Elles ne sont pas pour nous, jamais. Adieu. Il sort. Jacques l'accompagne. Puis reparaît avec Irène. Tu es sûr que je ne te dérange pas? Très sûr. Tu me le dirais, n'est-ce pas? Je te le dirais. Hein. Tu étais seul? Non, j'étais avec un ami, mais il allait partir quand tu es arrivé. Mais tu attends peut-être quelqu'un? Personne. Alors, je peux rester? Je ne t'ennuie pas? Tu ne m'ennuies pas? Tu as été surpris quand on t'a dit que c'était moi. Un peu, oui. Tu t'es demandé ce que je venais faire ici, n'est-ce pas? Tu t'es dit, ah ça, est-ce qu'elle va se mettre à me relancer jusque chez moi à présent? Tu ne t'es pas dit ça? Je me suis dit que tu avais à me parler, sans doute. Oui. Eh ben, je t'écoute. Non, non, pas comme ça. Ne me bouscule pas, ne me parle pas comme un notaire pressé à une cliente. Sois un peu gentil, un peu affectueux. Quitte cet air sévère. Mais où prends-tu que j'ai l'air sévère? Tu as toujours l'air sévère maintenant. Tu te trompes? Sois bon, dis, comme autrefois. J'ai tant besoin de ta bonté. Ah! Pourquoi fais-tu ah? Mais pour rien, va, continue. Cela t'étonne que je te demande d'être bon, d'être affectueux? Oh, il y a déjà un certain temps que j'ai renoncé à être étonné par toi, Irène. Sois pas méchant. Je t'ai donné le droit de l'être, je ne l'oublie pas, mais ne le souhaite tout de même pas, veux-tu? En tout cas, pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ne fais pas attention. Tu ne veux pas t'asseoir? Merci. Excuse-moi une seconde, je vais dire que si quelqu'un vient, on répond que je n'y suis pas. Veux-tu prendre une tasse de thé? Non, merci. Jacques, je voudrais que tu me dises quelque chose. Quoi? Depuis ce que je t'ai demandé, depuis que tu as accepté de jouer cette comédie vis-à-vis de papa, est-ce que tu n'as plus autant d'affection pour moi? Pourquoi me demandes-tu ça? J'ai besoin de le savoir. J'ai autant d'affection, seulement... Seulement. Cette affection s'est modifiée. Je t'admirais autrefois. Maintenant, je te plains. Et tu me méprises. Je te plains. Tu as raison. Je suis à plaindre. Tu ne sauras jamais combien. Mais c'est vrai que tu es toujours mon ami. Oui. J'ai tellement besoin de sentir cela, d'être sûre. Tu ne sais pas, vois-tu, Jacques, tout ce que tu es pour moi. Tant que ça? Non, sois pas ironique. Tu dis que tu me plains, eh bien, prouve-le. Et en quoi faisant? Oh, mais rien, en me témoignant un peu de tendresse et d'indulgence, voilà tout. Est-ce que tu n'es pas heureuse? Heureuse? Oui. Il y a des moments où je voudrais être morte. Bah, évidemment, c'est une solution, mais... Tu ne le crois pas? Bon, j'espère que tu exagères. S'il fallait se tuer chaque fois qu'on n'est pas heureux... Oh, ah. Je ne songe pas à me tuer, il faut du courage pour se tuer. Et le courage, je n'ai même plus ça. Je n'ai plus rien. Tu sembles en effet bien désemparée, ma pauvre Irène. Cependant, tu as ce que tu réclamais. Tu voulais à tout prix rester à Paris. Eh bien, tu y es. Ah, à ce propos, je voulais te dire, il va falloir que j'écrive à ton père. À papa? Ah oui, il a toujours été convenu que la situation où nous sommes ne se prolongerait pas après son départ. Tu t'en souviens? Oui, eh bien. Il a d'ailleurs beaucoup insisté pour que je lui fasse connaître mes intentions le plus tôt possible. Et je m'y suis engagé. Voilà plus d'un mois qu'il est parti, je ne lui ai pas encore écrit. Il est temps que je le fasse. Ah. Alors je lui dirai que les inquiétudes que me donnaient mes affaires au moment de son départ se sont précisées, aggravées même, mais que dans ces conditions, il ne m'est plus permis de faire aucun projet d'avenir. Voilà. Ça te paraît bien, n'est-ce pas? Comme tu voudras. J'ajouterai d'ailleurs que je vais partir m'installer au Maroc pour surveiller sur place les intérêts que j'ai là-bas. Mais ce n'est pas vrai! Tu ne vas pas partir? Si, probablement. Oh! Mais pourquoi? C'est vraiment à cause de tes affaires? Non. Alors, ah, tu ne pars pas seule? Comment pas seule? Quelqu'un t'accompagne? Ben non, personne. Alors pourquoi faut-il que tu partes? J'ai besoin de changer d'air. Celui d'ici ne me réussit pas. Ah, il y a longtemps que j'aurais dû partir. Il y a un an, quand tu es revenu d'Italie. Je serais peut-être guéri aujourd'hui. C'est à cause de moi que tu parles? Dame! C'est vrai? Tu ne crois pas qu'il est temps que je pense un peu à mon repos, à ma tranquillité? Je ne peux tout de même pas passer ma vie à t'aimer, à recommencer à souffrir chaque fois que je te revois. Tu m'aimes donc encore, Jacques? C'est vrai? Ça t'étonne, n'est-ce pas? Après tout ce que tu as dû supposer de moi ces derniers temps, je me disais que c'était fini, probablement que tu ne m'aimais plus. Je me disais ça, mais j'espérais le contraire. Tu espérais le contraire? Oui. Tu espérais que je t'aimais toujours? Oui, oui. Je ne comprends pas. Ne pars pas, Jacques. Tu dis? Ne pars pas. Bah, oui, je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Tu as peur que ton père ne te rappelle quand il aura reçu ma lettre et qu'il saura que je ne suis plus ici, hein? Ou que même il ne vienne te chercher? Eh, bah, tant pis, je regrette, mais cette fois, il ne faut plus compter sur moi. Tu feras ce que tu voudras, tu t'arrangeras comme tu pourras, mais ce soir même, j'écris à ton père. Mais écris-lui tant que tu voudras, ça m'est bien égal. Ah, vraiment? Oh, profondément, je te le jure. Alors pourquoi donc veux-tu que je ne parte pas? Oh, pour rien. Non, assieds-toi et réponds-moi. Non, ce n'est plus la peine. Pars, va, puisque tu es si pressé de m'oublier, pars. Ben ça, Irène, à quel jeu joues-tu en ce moment? Est-ce que tu te rends compte que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la plus effroyable coquetterie, dis? Est-ce que tu t'en rends compte? C'est vrai, je te demande pardon. C'est plus ce que je dis. Oh, Jacques, je suis si malheureux. Qu'est-ce que tu as? Faut pas m'abandonner. Je suis si seule, si misérable. Je n'ai que toi, Jacques. Il n'y a que toi qui puisse me venir en aide. Mais qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu me protèges. Que tu me défends. Je te défends, hein? Oui. Non, je t'assure, Irène, que je fais tout ce que je peux pour te comprendre, mais vraiment... Je sais bien que je dois te paraître folle. Eh bien oui, je suis folle. Il faut me traiter comme une folle et me soigner, voilà. Si tu ne viens pas à mon secours maintenant, tout de suite, il sera trop tard. Tu es donc menacée d'un danger? Oui. D'un danger imminent? Oui. Tu ne peux pas me dire de quoi il s'agit? D'un départ. D'un voyage. Et il ne faut pas que je parte, je ne veux pas partir. Si je pars, c'est fini, je suis perdue. Eh ben, qu'est-ce qui te force à partir? Ah, j'ai peur de moi. Alors prends le train pour Rome avec Gisèle, va retrouver ton père. J'y ai pensé, mais au dernier moment, je ne partirai pas, je n'aurai pas la force. Mais si, je t'aiderai, s'il faut. Ou alors, je reviendrai. Mais non. Tu ne comprends pas qu'il y a des heures comme en ce moment où je vois clair, où j'ai mon libre arbitre. Mais à d'autres heures, je ne l'ai plus, je ne sais plus ce que je fais. C'est comme une prison. Où il faut que je retourne, malgré moi, je suis... Fascinée. Il faudrait que quelqu'un me garde, me retienne. Quelqu'un qui ait compris ou deviné certaines choses que je ne peux pas dire, que je ne dirai jamais. C'est ça que tu attends de moi, hein? Mais comment veux-tu que je te retienne, que je t'empêche de faire quoi que ce soit, moi? Est-ce que j'ai la moindre influence sur toi? Est-ce que tu as jamais écouté mes conseils? Rappelle-toi, il y a un mois encore, comme tu m'envoyais promener. Oh, ce n'est plus pareil. Qu'est-ce qui n'est plus pareil? Bien des choses, je t'écouterai maintenant, je veux t'écouter. Mais tu ne pourras pas, on ne te laissera pas. Quel moyen ai-je, moi, pour lutter? Qu'est-ce que j'irai pour te convaincre de plus que ce que tu sais déjà? Puisque tu viens de reconnaître toi-même que ce voyage serait ta perte, que peut-on ajouter à ça? Et puis, est-ce que tu t'imagines que de bonnes paroles suffiraient à te retenir à une de ces heures d'égarement dont tu parles, tu vois bien? Mais je ne vais tout de même pas te retenir de force, hein? Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi, moi? Tu peux me sauver. Mais comment? Tu es le seul qui peut me sauver. Pourquoi moi? Parce que tu m'aimes. Mais c'est justement pour ça que je ne peux rien. Dès que je te verrai souffrir, je serai désarmé, moi. On ne me prend pas pour garde malade un homme qui vous aime. Ah, comme garde malade. Mais comme quoi, alors? Jacques, veux-tu que je t'appartienne? Veux-tu? Assez tais-toi. Pourquoi? Alors, c'est ça. C'est ça que tu es venu m'offrir. Oui. Ma pauvre Irène. Tu ne veux pas. Mais je t'aime, moi, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais si. Tu m'offres ton corps, ton pauvre corps en gage, n'est-ce pas? Tu veux te donner à moi pour pouvoir dire à cette femme... Eh bien, oui, je sais, là, j'ai deviné. Tu veux, n'est-ce pas, lui dire que tu t'es donné à un homme pour qu'après ça, elle te laisse tranquille. Mais moi, c'est pas ton corps que je veux, c'est toi, toi tout entière, comprends-tu? Est-ce que tu peux me donner ça, dis? Est-ce qu'on peut donner ça à un être qu'on n'aime pas? Car en fait, tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? Tu ne m'aimes pas. Mais je voudrais tant aimer. Mon pauvre petit. Tu crois que je ne sais pas que ce serait le bonheur pour moi? Je le sais bien, va, que ma place, ma vraie place, c'est là, contre ton épaule. Pourquoi ne veux-tu pas m'y laisser? Oh, Irène, c'est trop affreux ce que tu me demandes. Pourquoi? Peut-être que je t'aimerais. Après, n'est-ce pas? Non, mon pauvre petit. Pourtant, tu me l'as dit une fois. Parce qu'à ce moment-là, je croyais qu'il n'y avait que ton orgueil entre nous. Je ne savais pas. Encore. Tout ce qui nous séparait. Mais quand tu m'auras guéri... Mais tu crois donc que je pourrais te guérir? Oui, si tu es très bon, très indulgent, si tu as un peu de patience. Non, je t'aime trop pour ça. Alors, tu me repousses? C'est vrai, Jacques? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je deviendrai, moi? Tu m'as déjà fait tant de mal. Mais c'est fini, je ne t'en ferai plus. Comment pourrais-je te faire du mal à toi qui m'auras sauvé? Qu'est-ce que ça prouve? Jacques, regarde-moi. Regarde dans mes yeux tout ce qu'un homme peut attendre de la femme qu'il aime. Je te le donnerai. Ah, ne me tente pas, Irène. J'ai rêvé trop longtemps à cette minute-là. Prends garde. Eh bien, elle est arrivée. Prends-moi dans tes bras, Jacques. Je suis à toi. Mais tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Si. Non, il est encore temps. Tu peux encore t'en aller. Je n'ai pas peur. Tu le veux? Tu es sûre que tu le veux? Oui. Irène, c'est vrai? Il se penche vers ses lèvres. Elle a d'instinct un brusque mouvement de recul. Tu vois... Si. Pardon. Et c'est elle, cette fois, qui lui tend ses lèvres. Puis, à bout de nerfs, Elle laisse aller sa tête contre l'épaule de Jacques, lutte encore un instant et fond en larmes. Non, non, ne fais pas attention. Ce n'est rien, c'est fini. Tu me garderas, dis. J'ai serré. Même bureau. Jacques, seul, assis dans un fauteuil, les mains derrière la tête, fume et songe. Georges, le valet de chambre, apporte une lettre qu'il présente à Jacques. Celui-ci regarde l'enveloppe et paraît surpris. Qui a apporté cette lettre ? Une femme de chambre, monsieur. Elle attend la réponse. Il s'arrête auprès de la porte. Jacques ouvre la lettre, la lit. Après quelques instants de réflexion, il se lève, va s'asseoir à son bureau, prend une feuille de papier et commence à écrire. Pour quelle heure, madame, a-t-elle demandé la voiture ? Pour 3 heures, monsieur. Jacques regarde l'heure, achève sa lettre, puis la glisse dans une enveloppe et la tend à Georges. Voilà. Georges sort. Jacques reprend la lettre qu'il a reçue, la parcourt de nouveau du regard, en respire le parfum et sourit. Irène paraît. Elle a son chapeau. Elle est prête à sortir. Elle tient à la main une liasse d'échantillons d'étoffe pour ameublement. Tu ne m'as pas dit ce que tu préférais dans ces échantillons. Ça, ça ou ça ? C'est pour ta chambre. Choisis toi-même. Mais je veux que ça te plaise. Ça me plaira du moment que tu l'auras choisi. Tu peux bien me dire ce que tu préfères. Puisque je t'approuve d'avance. Que tu es ennuyeux. Tu vas faire des courses ? Oui, il faut que je parte chez le tapissier, chez le peintre, et j'ai rendez-vous à 3h30 à l'atelier d'art Praxine pour revoir cette petite étude que j'ai trouvée si jolie l'autre jour. Tu ne veux pas m'accompagner ? Je ne peux pas. Faudra pourtant que tu viennes la voir. Pourquoi faire ? Ben, je ne vais pas acheter un tableau de ce prix-là sans que tu l'aies vu. Mais je n'ai pas besoin de mon avis, je n'y connais rien en peinture. Si cette étude te plaît, achète-la, voilà tout. Tu ne peux pas venir vraiment ? J'en passerai te chercher avec la voiture, ça te prendrait 20 minutes en tout. Je ne peux pas, je te le répète. J'attends quelqu'un. Qui ? Ah, voilà. Une visite. À quelle heure ? À 3h30. Uh-huh. Et ce sera long, cette visite ? Ça, j'en sais rien. Allô ? De la part de qui ? Ah, bien, ne quittez pas. Tiens, c'est ta Praxine qui veut te dire un mot. Merci. Allô ? Bonjour, cher monsieur. Mais non, je n'ai pas oublié. Eh bien, mais à 3h30, comme convenu. Entendu ? Comment ? Non, il est désolé, vous prie de l'excuser, mais il a un rendez-vous, il ne pourra pas venir. C'est cela, à tout à l'heure. Il me demande d'être exact parce qu'il a à sortir. Alors ? Alors quoi ? C'est vrai que je peux l'acheter, si je la trouve jolie, ma petite étude, tu me permets ? Mais oui. Tu es gentil, merci. Je crois que c'est une bonne affaire, tu sais. Après que s'il vend ses moindres bouts de toile, 25 000 francs. Il me la laisse à 15 000 parce que c'est moi. Ah, longtemps mieux. Pourvu que ça te plaise, par exemple. Je te préviens que c'est très moderne. Tu vas peut-être trouver ça affreux. Mais non. À quelle heure rentreras-tu ? Oh, pas tard. Je passerai chez le libraire pour faire envoyer des livres à Gisèle qui m'écrit qu'elle n'a plus rien à lire. Et c'est tout, je reviendrai goûter ici. Si par hasard la personne que j'attends était encore là quand tu rentreras, je te demande de ne pas entrer ici. Mais naturellement, voyons, ça va de soi. Oui, je préfère que vous ne vous rencontriez pas. Hein ? Pourquoi ? Ben, je pense que cela ne vous serait agréable ni à l'une ni à l'autre. Et on ne peut pas savoir qui c'est, non ? Ça t'intéresse ? Non, après ce que tu viens de dire. Eh bien, c'est une très gentille femme envers qui je me suis bien mal conduit. Une femme envers qui tu... À la Meillan. Elle-même. Non, Que c'est drôle. N'est-ce pas? Et elle vient te voir? Je lui ai donné rendez-vous. Viendra-t-elle? J'en sais rien. Et pourquoi lui as-tu donné rendez-vous? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ces lettres dont elle parle? Ben, ce sont les lettres qu'elle m'a écrites lorsque... Enfin, l'année dernière. Tu ne les lui avais pas rendues? Non. Nous avons quitté Paris si vite, il y a un an, que je n'ai eu le temps de rien faire, et depuis notre retour, je n'y ai plus pensé. Pauvre femme. Ça n'était pas désagréable que je la reçoive ici? Mais non, voyons, pas du tout. C'est bien ce que je pensais. Pourquoi ça me serait-il désagréable? Oh, il n'y a aucune raison, en effet. J'ai confiance en toi. Bien sûr. Je suppose que si tu l'as fait venir ici, c'est parce que tu veux lui remettre ses lettres à elle-même en main propre, et tu as raison. Naturellement. Bien la chose. Moi, je suis ravi au contraire. Quoi? Tu voudrais que je sois jalouse? Je te répète que je suis ravi. Je n'ai aucune raison d'être jalouse, voyons. Ah, non, ça, aucune. Alors? La jalousie, dans ton cas, ce serait vraiment du luxe. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout simplement que si c'est la chose du monde la plus naturelle quand on aime, ce serait complètement ridicule et incompréhensible quand on n'aime pas, voilà tout. Alors je ne t'aime pas? Naturellement que tu ne m'aimes pas. C'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? De dire ça. Mais non, pourquoi? Enfin, qu'est-ce que tu me reproches? Je ne te reproche rien, rien du tout. Tu as à te plaindre de moi? Mais non! Va donc faire tes courses. Hein. Non. Non, expliquons-nous, je préfère. Ben quoi bon, c'est tellement inutile. Si je t'ai déçu de quelque façon, dis-le. Du tout. Est-ce que je ne fais pas tout ce que je peux pour que tu sois heureux? Tout ce que tu peux. Est-ce que j'ai une autre préoccupation que celle-là, ton bonheur depuis que je suis ta femme? Est-ce que ma vie a un autre but? Est-ce qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, je ne te demande pas toujours si tu seras content, si tu m'approuveras? Même pour choisir la tenture de ta chambre, c'est exact. Tu te moques pas de moi, veux-tu? Mais je ne me moque pas de toi, tu es une épouse attentionnée, dévouée et fidèle. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Si je ne suis pas content comme ça, il faut que je sois vraiment difficile, hein? Je ne te comprends plus, Je le sais bien. C'est bien pour ça que cette explication ne sert à rien. Alors tu n'es pas heureux? En tout cas, ce n'est pas ta faute et je n'ai aucun reproche à t'adresser, je te le répète. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Tu as pourtant toutes mes pensées, tu le sais, cela, n'est-ce pas? Ah non, par exemple, j'en sais rien du tout. Tu ne le sais pas? Comment veux-tu que je connaisse tes pensées? Elles sont à toi, d'ailleurs. Les pensées de chaque être lui appartiennent et les tiennes ne me regardent pas. Mais je ne te cache rien. Rien dont tu doives te tourmenter, je te le jure. Ça... Tu ne me crois pas? Eh bien, interroge-moi alors, j'aime encore mieux ça. Oh non, oh non, surtout pas ça, hein? Laissons dans l'ombre ce qui est fait pour l'ombre. Si. Puisque nous en sommes là, je veux que tu m'interroges. Peut-être que tu verras combien tu es injuste quand tu sauras tout. Ah? Il y a donc des choses à savoir? Des choses qui ne peuvent que te rassurer. Ben, parle, je t'écoute. Tu l'as revue? Tu es fou. Elle t'a téléphoné? Non. Écrit? Oui. Quand? Un peu après notre retour. Deux fois. Où sont ces lettres? Je les ai renvoyées sans les ouvrir. Sans les ouvrir? Je te le jure. Comment les as-tu renvoyées? Par la personne qui les avait apportées. Et comment l'ai-je pas su, moi? Tu n'étais pas là, tu venais de sortir. Les deux fois? Oui. Ouais. On avait probablement attendu mon départ pour les apporter. C'est possible, je ne sais pas. Alors tu n'as pas idée de ce qu'elle te voulait? Oh. Me revoir, sans doute. Qu'est-ce qui te le fait croire? Je l'ai supposé. C'est tout? Non. Quoi d'autre? Quelques jours après la seconde lettre, dans la rue, sa femme de chambre m'a parlé. Ah bon, parfait. C'était pas elle qui l'envoyait. Vraiment? Non. Elle était très malade. Tiens. Il y a longtemps qu'elle est malade. Elle venait d'avoir une rechute, elle avait eu le délire toute la nuit. Il paraît qu'elle m'avait appelée plusieurs fois. Alors dans son affolement, cette fille qui lui est très attachée avait cru bien faire en venant me prévenir. Et alors qu'est-ce que tu as fait, toi? Rien. Rien? J'ai seulement demandé à la femme de chambre de m'apporter des nouvelles le lendemain. Le lendemain, les nouvelles étaient meilleures. Je lui ai dit de ne pas revenir. Et puis? C'est tout. Tu le jures? Oui. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Oh, je ne voulais pas t'inquiéter inutilement, nerveux comme tu l'es. J'étais sûre que tu te serais tourmenté malgré tout ce que j'aurais pu te dire. J'avais décidé d'attendre encore quelques jours pour te mettre au courant. Mais pourquoi quelques jours? Elle va aller passer plusieurs mois en Suisse pour se soigner. Je voulais qu'elle fût partie. Qui l'a dit qu'elle partait? La femme de chambre? Oui. Est-ce que tu es un peu rassurée maintenant? Je n'étais pas inquiet. Tu vois bien que tu peux avoir confiance en moi. Mais j'ai toujours eu confiance en toi, Irène. J'ai jamais douté que tu agirais le moment venu comme tu as agi. Tu t'étais engagée en m'épousant à ne jamais revoir cette femme. J'étais sûr que tu ne la verrais pas. Alors qu'est-ce qui te préoccupe? Pourquoi n'es-tu pas heureux? Est-ce que tu es heureuse, toi? Moi, mais oui, je suis heureuse. Oh, non. Mais je t'assure, Jacques, est-ce que je n'ai pas tout pour être heureuse? Nous sommes riches, nous nous entendons bien, tu es la bonté, la générosité même pour moi. Que pourrais-je souhaiter d'autre? Pourquoi essaies-tu de me faire croire qu'il ne te manque rien? Mais parce que c'est vrai. Mais non, ce n'est pas vrai, tu n'as pas 30 ans, j'en ai pas 35. Le bonheur à cet âge-là ne réside pas dans une existence confortable avec collier de perles et automobile, c'est beaucoup trop tôt. Il te manque d'aimer, Irène, comme il me manque à moi d'être aimée, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Tu t'es mis dans la tête que je ne t'aimais pas. Bah, si tu savais quel mal j'ai eu à me mettre ça dans la tête, les espoirs imbéciles par où j'ai passé avant d'en arriver là, tous les ersatz de l'amour, depuis la tendresse, l'amitié, jusqu'au plus triste de tous, la docilité, je m'y suis raccroché désespérément. Sur un mot de toi, une attitude que j'interprétais selon mon désir, je reprenais confiance, je recommençais à croire au bonheur possible. Maintenant, toutes ces illusions-là sont usées, elles ne peuvent plus servir. Je sais que je ne peux rien sur toi. Je suis aussi incapable de te rendre heureuse que de te rendre malheureuse. Ah, si je pouvais seulement te faire souffrir. Tu le peux. Comment? En continuant à dire ces folies. Oh, je t'en prie, Irène, tu sais aussi bien que ce ne sont pas des folies. À quoi ça sert-il de te boucher les yeux? Tiens, sais-tu pourquoi j'ai donné rendez-vous à cette femme tout à l'heure? À cette femme qui a été ma maîtresse, qui m'a aimée et que j'ai fait souffrir, elle. Tu entends? Mais oui, Jacques. C'était pour voir l'effet que ça te ferait, si tu protesterais, si tu serais inquiète. Ça t'a fait rire. Voilà tout le résultat que j'ai obtenu. Tu voulais que je pleure? Je voulais voir jusqu'où irait ton indifférence. Est-ce ma faute si je crois que tu m'aimes et si je n'ai pas peur que tu me trompes avec une autre? Si tu m'aimais, tu aurais peur. Mais la vérité, c'est que ça serait parfaitement égal. Ce n'est pas vrai. Mais c'est... Ça me ferait beaucoup de peine. Beaucoup de peine? Certainement. Et en quoi consisterait cette peine, dis-moi? Oh, bah comment veux-tu que je te dise? Je ne sais pas, moi. Non, mais essaie d'imaginer. Bah, je serais très déçue, très attristée. Il me semble qu'après cela, je n'aimerais plus à être dans tes bras comme avant. Voilà. Ah, comme avant? Oui. Tu aimes donc tant que ça être dans mes bras, Ali? Mais oui. Mon pauvre petit. Tu crois donc que je suis aveugle? Est-ce que j'ai jamais refusé? Oh, tu as eu beaucoup de courage. Je croyais te rendre heureux, c'était suffisant. Non, on ne rend pas heureux à si bon compte. Je regrette. Aimer, vois-tu, c'est autre chose que ça. Tout ce que je pouvais donner, je te l'ai donné. Si ça ne te suffit pas. Non. Alors adresse-toi ailleurs, voilà. Ah, tu voudrais bien, hein? Quelle délivrance, ce jour-là! Oh, écoute, Jacques. Ça suffit. D'ailleurs, il est tard, il faut que je parte. Irène! Quoi? Viens. Qu'est-ce que tu veux? Pardonne-moi, j'ai pas voulu te blesser. Si je l'ai fait, eh bien, je te demande pardon. Pourquoi es-tu si injuste? Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas me résigner. Mais te résigner à quoi? À ce que je ne t'aime pas? Mais je t'aime, voyons. Tu es tout ce que j'admire, tout ce qui me plaît, tout ce que je respecte au monde. Oui, je suis tout ça, c'est vrai. Eh bien... Crois-tu que beaucoup de femmes peuvent en dire autant de leur mari? J'en demandais pas tant non plus. Est-ce que j'aime quelqu'un d'autre que toi? Non, n'est-ce pas? Alors, si on t'avait dit il y a un an que tu occuperais la première place et la seule place dans ma vie, n'aurais-tu pas été heureux? Évidemment. Crois-tu que tu n'as pas fait de progrès dans mon cœur depuis le soir où je suis venue ici te demander de me recueillir, de me garder là, contre ton épaule? Tu te souviens de ce soir-là? Oui. Et 3 semaines plus tard, à Moncel, le discours du maire et la petite chapelle où il faisait si froid. Tu t'en souviens aussi? Oui. Regrettes-tu ce qui s'est passé ce jour-là? Et toi? Mais non. C'est déjà quelque chose. Alors, embrasse-moi. Tu veux? Mais oui, je veux. Il la prend dans ses bras et la tient un instant immobile, la contemplant. À ce moment, elle a vu sur le bureau une petite pendule et se penche pour voir l'heure qui... Comment c'est l'heure, ça? 3h35, mais ma montre retarde alors. Quel ennui, je ne vais même pas avoir le temps de passer chez le tapissier. Vite, mon chéri. Quoi? Eh ben, tu ne m'embrasses pas? Mais non, tu es déjà en retard. Ça ne fait rien. Mais non, va. Tu es bête, c'est parce que j'ai dit... Va. Que tu es susceptible, mon Dieu. Mais va donc. À tout à l'heure, alors. C'est ça. J'espère que tu ne vas pas faire la cour à cette femme. Merci d'y avoir pensé. Tu me le promets, n'est-ce pas? Mais oui. À tout à l'heure. Irène sort. Jacques s'assied, la figure amère. Il voit la lettre de Françoise restée sur son bureau, la prend, la met dans sa poche, se lève, va ouvrir un secrétaire et prend une enveloppe assez épaisse qu'il rapporte à son bureau où il en vide le contenu, des lettres. Il en lit une au hasard. Il remet les lettres dans l'enveloppe qu'il range dans un tiroir. Georges paraît. Madame Meillant, monsieur. Faites l'entrée. Bonjour, Françoise. Bonjour. Vous êtes gentille d'être venue. Oh, je suis venue chercher mes lettres, vous savez. N'allez pas imaginer autre chose. Mais je n'imagine rien du tout. J'ai le droit de vous remercier d'être venue, non? Mais pourquoi n'avez-vous pas donné les lettres à ma femme de chambre, comme je vous le disais dans mon petit mot? C'était beaucoup plus simple. Ben, je préférais vous les remettre de la main à la main. Ça me semblait plus sûr. Et puis pourquoi ne pas vous le dire? J'avais envie de vous revoir. Vraiment? Vous ne vous êtes pas demandé 6 mois? J'avais envie de vous revoir, vous? J'ai pensé que si ça vous était trop désagréable, vous ne viendriez pas. Mais je voulais mes lettres, je viens de vous le dire. Vous n'avez pas l'air de vous douter qu'il y a un an que je les attends. Elles étaient ici et moi je faisais le tour du monde, à moins de revenir les chercher spécialement depuis le Japon. Vous auriez pu me les renvoyer avant de partir. Mais j'ai pas eu le temps, François. Il est vrai que vous êtes parti d'une façon si précipitée. Mais très précipitée, en effet, mais enfin, vous n'étiez pas inquiète pour vos lettres. Elles étaient en sûreté, vous savez. Oh, vous trouvez? Et s'il avait pris fantaisie à votre femme de fouiller dans vos tiroirs? Oh, tout à fait invraisemblable. Oh, on croit toujours ça. Ce sont tout de même des choses qui arrivent. Pas ici. Elle n'est donc pas jalouse, votre femme? Du tout. Ah, vous avez bien de la chance. Elle n'est pas là, j'espère. Non, elle vient de sortir. Ah, c'est encore heureux. C'est elle, cette photo? C'est elle, oui. Oh, mes compliments. Merci. Pourquoi ne m'aviez-vous pas dit la vérité la dernière fois que je suis venue ici? La vérité? Ben oui, que vous alliez vous marier. J'aurais préféré ça, vous savez. C'était plus correct. Puis au moins, c'était une raison. Je ne vous l'ai pas dit parce que je n'en savais rien. Vous n'en saviez rien? Non. Et 3 semaines plus tard, les journaux annonçaient que vous étiez mariés. Oui. Vous n'avez pas perdu de temps, alors? Quand ces choses-là sont une fois décidées, vous savez. C'est une amie d'enfance, n'est-ce pas? Oui, c'est même une cousine. Germaine? Non. Ça vaut mieux. Et naturellement, vous vous aimiez depuis toujours. Mon Dieu. Oh, vous pouvez me le dire à présent. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous le demande, ça m'est parfaitement égal. Alors, donnez-moi mes lettres, voulez-vous? Vous êtes si pressé de les avoir? Oui. Pourquoi? Mais parce que... Je ne vous réclame pas les miennes, moi. Oh, mais il y a longtemps que je les ai brûlées. C'est vrai? Pour ce qu'il y en avait, pour ce qu'elles contenaient. Oh, mais c'est tout de même pas gentil de les avoir brûlées, François. Pourquoi les aurais-je conservées? Mais pour les relire, de temps en temps. J'avais autre chose à faire. Ah. Et puis vous oubliez que j'ai un mari, et un mari jaloux. Non. Mais parfaitement. Comment va-t-il? Il va bien. Il est à la chasse, en Sologne. Heureux homme. Oh, ne plaisantez pas. Je l'aime infiniment. Je ne voudrais pour rien au monde lui faire de la peine. Mais j'en suis sûr, François. Jacques, mes lettres... Mais pas tout de suite. Attendez un peu. Nous avons des tas de choses à nous dire avant. Nous n'avons absolument rien à nous dire. De plus, votre femme peut rentrer d'un instant à l'autre et je ne tiens pas plus à la voir qu'elle, sans doute, à me rencontrer. Ben, asseyez-vous. Elle ne reviendra pas avant 1 heure au plus tôt et elle n'entrera même pas dans cette pièce. Qu'est-ce que vous en savez? Mais je lui ai dit que je vous attendais. Vous lui avez dit? Oui. Et elle a accepté? Mais oui. Matin, vous l'avez bien dressée. Alors, asseyez-vous et racontez-moi. Que je vous raconte? Oui, tout, depuis 1 an. Mais je n'ai rien à vous raconter. Allons donc. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui vous aimez? Ça, mon petit Jacques, si on vous le demande... Qu'est-ce que ça vous fait? Je vous promets que je ne le dirai à personne. Est-ce que... Moreuil? Oh, ça, vous m'ennuyez. Non, sérieusement, Moreuil, mais il est très mal. Non, vous n'avez pas protesté, ce n'est pas Moreuil. Alors qui? Oh, Dieu, vous m'agacez. Ah, vous riez, c'est gentil. Mais je ris parce que vous m'énervez. Je vous assure que je n'en ai pas envie. Non, il faut rire, ça vous va très bien. Vous êtes charmante quand vous riez. Mais je ne tiens pas à être charmante. Ah, quelle blague! Vous figurez que ça m'intéresse de vous plaire maintenant? Oh, je ne dis pas que ça vous intéresse spécialement, mais enfin, à tout prendre, vous aimez autant que je vous trouve jolie. Eh bien, je vous trouve jolie, très jolie. Plus jolie même que je ne me souvenais. Vous étiez aussi jolie que ça avant? Jacques, je vous prie de me donner mes lettres et de me laisser m'en aller. Je vous les donnerai si vous me dites qui vous aimez. Mais je n'aime personne. Personne? J'aime mon mari. Vous n'aimez personne, Françoise? Non, là. C'est vrai? Oh, je vous le dirai, pourquoi pas. Françoise. Quoi? Si vous n'aimez personne, vous ne voudriez pas essayer de m'aimer un peu, moi? Vous? Ah non, par exemple! Pourquoi? Merci bien! Vous avez conservé un si mauvais souvenir de moi? Ah oui! À ce point-là? À ce point-là, oui. Pourtant, nous nous étions pas si mal quittés, il me semble. En somme, c'est vous qui avez pris l'initiative de la séparation. Il était temps. je crois. Je me souviens même que vous m'avez dit des choses charmantes en partant. On a sa coquetterie, mon cher. Ne pensiez pas que j'allais sangloter devant vous. J'ai tenu bon jusqu'à ce que j'ai trouvé un taxi. Mais là, par exemple... C'est vrai? Oh, et puis beaucoup d'autres jours après celui-là. Non. Mais oui, oh, je reconnais que c'était complètement ridicule, mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Ma petite Françoise. Vous trouvez ça très drôle, n'est-ce pas? Non, je trouve ça très gentil. Oui, eh ben moi pas. Françoise, ma petite Françoise, vous qui savez aimer, aimez-moi encore, je vous prie. Oh non, c'est fini ça, heureusement. Dommage. Vous trouvez? Oui, c'est dommage. Parce que si vous aviez voulu m'aimer seulement un tout petit peu, j'aurais pu vous aimer beaucoup, moi. Vous? Moi, oui. Vous aimez? Mais mon pauvre Jacques, vous ne savez même pas ce que c'est. Vous croyez? J'en suis sûre. L'amour pour vous, c'est un jeu assez amusant. Et encore, pas toujours. Il n'y a guère qu'un moment qui vous amuse, n'est-ce pas? Comme si ce moment-là ne contenait pas tous les autres. Il a son importance, mais on le paie trop cher avec vous. C'est pas votre faute, vous êtes née inconstant. Je suis née fidèle, Françoise. Fidèle à qui? Mais à vous, si vous le voulez. Et votre femme, qu'est-ce que vous en faites? Elle ne vous suffit déjà plus? Où voulez-vous que nous n'en parlions pas? Pauvre petite, comme je la plains. Elle n'est pas à plaindre. Un an, même pas. 11 mois. Il y a 11 mois que vous l'avez épousée. Vous voilà déjà en quête d'une aventure. Oh, d'ailleurs, j'étais sûre que ça finirait comme ça. Vraiment? Quand j'ai lu votre petit mot tout à l'heure, n'ai pas une minute d'hésitation. À la façon dont vous me demandiez de venir, j'ai tout de suite compris ce que vous vouliez. Mais vous êtes venu tout de même. Mais à cause de mes lettres. Oh, c'est vrai, pardon. Mais j'avais bien deviné, allez, que vous songiez beaucoup moins à me les rendre qu'à voir si par hasard vous ne vous aimez pas encore. Je vous connais, Jacques. Pas très bien, François. Oh, long, voyons, mais c'était si naturel. Après ce grand voyage qui vous avait occupé, vous êtes rentré à Paris, et là, dame, vous avez commencé à vous ennuyer. La vie conjugale, pour un homme comme vous, c'est terriblement monotone, n'est-ce pas? Alors vous avez regardé autour de vous pour voir avec qui vous alliez pouvoir vous distraire. Seulement vous étiez rentré depuis trop peu de temps, vous n'aviez personne sous la main. Là-dessus, ma lettre arrive, juste à point pour que vous vous souveniez de moi. Vous vous dites, tiens, cette bonne Françoise, au fait, pourquoi pas? Elle va se consumer d'amour pour moi, cette pauvre femme. Eh bien, commençons toujours par celle-là. Seulement vous faisiez fausse route, mon petit Jacques. Cette bonne Françoise ne vous aime plus. Voilà. Alors tant pis. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Quoi? Qu'on puisse ne pas vous aimer. Mais non, François, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout, je vous assure. C'est dans l'ordre. Alors? Alors, rien, je vais vous donner vos lettres. Il va à son bureau, en sort l'enveloppe qui contient les lettres et la porte à Françoise. Elles y sont toutes. Qu'est-ce que vous avez? Rien. Pourquoi avez-vous l'air triste tout d'un coup? J'ai l'air triste, moi? Vous n'allez pas me dire que je vous ai fait de la peine. Mais non, Françoise. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a rien, rien du tout. Je suis attristé parce que nous allons nous quitter, que nous ne nous reverrons plus, voilà. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous me manquerez, Françoise. Je vous ai beaucoup manqué depuis un an? Peut-être. Quelle histoire! Vous me l'auriez dit. Et comment? Vous pouviez m'écrire. Je ne vous l'avais pas défendu. C'est vrai, oui. Pas un mot, même pas une carte postale, rien. Vous voudriez encore que je vous aime? Oh, je suis vraiment trop bête, avouez-le. C'est jamais bête d'aimer. De vous aimer, si. C'est drôle, ça. Qu'est-ce qui est drôle? Mais comme vous me connaissez mal, ma pauvre Françoise, vous me voyez tout à l'envers de ce que je suis. Oh. Mais je vous assure. À qui la faute, alors? Oh, à moi, je le reconnais. Si vous étiez capable d'aimer, pourquoi ne me l'avez-vous jamais montré? Pourquoi avez-vous toujours eu l'air de mépriser l'amour que j'avais pour vous? Il viendra peut-être un jour où vous regretterez ce nom-là, Jacques. Mais soyez tranquille, je le regrette déjà. Non, pas encore. Vous êtes trop jeune, mais... Vous ne pouvez pas savoir combien je le regrette, Françoise. C'est vrai? Oui. Vous êtes vraiment l'homme le plus incompréhensible que je connaisse. Avec vous, les choses arrivent quand on ne les attend plus, mais qu'il est trop tard. Vous êtes sûre? Quoi? Qu'il est trop tard? Mais oui. Françoise. Oh, laissez-moi. Vous êtes sûre qu'il n'y a pas au fond, tout au fond de vous, une petite lueur qu'on pourrait ranimer en faisant très attention, en prenant beaucoup de précautions? Dites. Non, je ne veux pas. Tant pis. Où sont mes lettres? Par terre. Donnez-les-moi. Voulez-vous me faire un dernier plaisir? Quoi? Puisque c'est fini, puisque nous allons nous dire adieu et que nous ne nous reverrons plus. Laissez-moi vous embrasser. Mais vous êtes fou! Je vous en supplie, je voudrais une fois, une seule fois, revoir vos yeux. Mes yeux? Oui, oh, pas vos yeux de maintenant, pas vos yeux à tout faire, mais vos yeux d'autrefois, certains yeux que je connais. Mes yeux qui demandent grâce. Oui, ceux-là, je veux les revoir, rien que les revoir. Non. Non, après, vous vous en irez, je ne vous retiendrai pas, je vous le jure. Accordez-moi cette joie-là. Non, je ne veux pas. Je vous en conjure. Laissez-moi. Oh, Françoise. Laissez-moi, je vous en prie. Françoise. Je ne veux pas. Non, je ne veux. Leurs lèvres se joignent. Elles s'abandonnent. Le baiser très long la laisse anéantie. La tête renversée sur la poitrine de Jacques. Les yeux clos. Comme c'est beau. Qu'est-ce qui est beau? Une femme. Oh, vous êtes content, n'est-ce pas? Vous avez vu ce que vous vouliez. Vous êtes à peu près tranquille, je vous avais presque oublié. Il a fallu que je vienne ici pour vous procurer le plaisir de me tourmenter encore. Oh, je ne sais pas ce que je me ferais. Oh, je savais ce qui m'attendait, je le savais. Ma chère petite Françoise. Oh non, non, non, ne m'approchez plus, Jacques, je vous en supplie. Vous avez voulu voir si vous aviez conservé votre pouvoir. Eh bien, puisque vous l'avez vu, ça doit vous suffire, je pense. Vous croyez vraiment que ça me suffit? Vous ne voudriez pas recommencer à me faire du mal? Non, François. Alors, donnez-moi mes lettres pour que je puisse m'en aller. Non. Vous ne voulez pas me les donner? J'irai vous les porter chez vous. Non. Tout à l'heure. Je ne veux pas. Vers 5 heures, vous serez chez vous. Non, j'y serai pas. Oh, si. Chez moi, vous êtes fou. Vous m'avez dit que vous étiez seule à Paris. Mais je ne veux pas que vous veniez. Vous ne voulez pas? Non. Bon, c'est vrai, vous ne voulez pas? Non. François. Oh. Ça va recommencer. Qu'est-ce qui va recommencer? Mais tout, comme avant. Non, pas comme avant. Oh. Vous verrez. Ce sera tout pareil, allez. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de changé? Moi. Vous croyez qu'on change? On apprend des choses, on s'instruit. En voyageant? En voyageant, oui. Qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, à aimer les gens de son pays, figurez-vous. Les gens qui comprennent ce que vous dites. C'est fatigant de parler quand on n'est pas compris. On finit par s'enlacer. Pauvre Jacques. Oh, ne me plaignez pas, j'ai retrouvé une payse. C'est moi la payse? Vous ne croyez pas? Si. On se comprend tous les deux, hein, ma payse? Oui, mon pays. Oh, Jacques, c'est effrayant. Je vous aimais déjà tant quand vous étiez si désagréable, mais qu'est-ce que ça va être si vous vous mettez à être gentil? Vous m'aimerez un peu plus, voilà tout. Mais j'ai si peur d'être maladroite et de ne pas savoir vous garder. Si, Françoise, vous me garderez cette fois-ci. Mon chéri... Je suis heureuse. C'est vrai? Oh oui. Eh ben, ça n'est déjà pas si maladroit ce que vous venez de dire là. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ma femme qui rentre, sans doute. Oh, j'étais sûre de ça. Non, soyez tranquille. Elle n'entrera pas. Là, vous voyez? Vous êtes rassurée? Vous pouvez sortir? Vous ne rencontrerez personne? Mais... Vous allez venir? Bien sûr que je vais venir. À tout à l'heure. À tout de suite. Il lui ouvre la porte. Elle sort. Il l'accompagne, puis reparaît au bout de quelques instants, suivi de Georges, le domestique. Madame m'a dit de la prévenir sitôt que monsieur serait seul. Ah, eh ben allez. Et puis, vous m'apporterez mon chapeau et mon pardessus, Georges. Bien. Tu es déjà de retour? Tu n'as pas été long. Eh bien, et cette étude? Quelle étude? L'étude d'Apraxine que tu voulais acheter. Ah oui. Tu n'as pas rapporté? Non. Jacques, je voudrais te parler. Je peux? À ce moment, Georges apparaît, avec le chapeau et le pardessus de Jacques. Tu sors? Oui, mais j'ai 5 minutes. Posez ça là. Bien. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'attendrai ton retour. Mais non. Je te retarderai. Qu'est-ce que tu as? Rien, je te dirai quand tu reviendras. Mais non, dis-moi tout de suite. Oh, ce n'est pas tellement pressé. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Jacques, je voudrais partir, quitter Paris. Quitter Paris? Oui. Pourquoi faire? Je te le demande. Mais qu'est-ce que ça signifie? Pour aller où? Nous pourrions aller nous installer à Moncel pendant quelque temps, si tu veux. Papa ne demanderait pas mieux, il me l'a offert plusieurs fois. Il n'y aurait qu'à télégraphier au régisseur. Il viendrait nous attendre avec l'auto à Limoges. Mais pourquoi veux-tu quitter Paris? Il n'y a même pas un mois que nous sommes rentrés. Je sais. Qu'est-ce que c'est que cette lubie? Ce n'est pas une lubie. Alors explique-toi. J'espérais que tu comprendrais. Que je comprendrais? Oui. Non, je ne comprends pas. Il ne faut pas que je reste ici. Mais pourquoi, enfin? Je l'ai revu. Ah. Où l'as-tu revu? Chez Apraxine. Elle savait que je devais venir, elle m'y attendait. Comment l'a-t-elle su? Oh, elle sait tout. Elle connaît donc Apraxine? Elle l'avait rencontrée autrefois à Vienne. Tu le savais? Non, naturellement. Et alors, tu lui as parlé? Elle m'a parlé. Devant Apraxine? Oui, non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, je ne sais plus. Mais tu ne veux pas le dire. Oh, je ne me souviens plus, je t'assure. J'écoutais à peine. Elle a demandé à te revoir, sans doute. Oui. Qu'est-ce que tu as répondu? Que je ne voulais pas. Et alors? Elle m'a dit qu'elle attendrait. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je vienne. Elle ne va donc plus en Suisse? Elle est guérie, probablement. Elle dit que ça lui est égal de mourir. Non, elle ne mourra pas, sois tranquille. C'est le chantage classique. Elle ne ment jamais. Son mari ne peut donc pas l'emmener? Ils ne vivent plus ensemble, elle l'a quitté. Ah. Jacques, c'est vrai qu'il était venu te voir il y a un an. Oui, comment l'a-t-elle su? Elle ne me l'a pas dit. C'est à la suite de ça qu'elle l'a quitté. Tant mieux pour lui. Il n'y a personne auprès d'elle pour l'emmener? Personne. Elle est seule. Toute seule. Ça, elle est très forte, il faut le reconnaître. Oh. Comment? Elle n'est pas très forte pour avoir réussi à te bouleverser à ce point-là du premier coup? Est-ce que tu sais si elle n'était pas plus bouleversée? Mais naturellement, ça faisait partie de la mise en scène. Ce qui m'étonne, par exemple, c'est que te voyant dans cet état, elle t'ait laissé échapper pour cette fois. Qu'elle n'ait pas essayé de te retenir. Tu crois qu'elle n'a pas essayé? Et alors? Pour pouvoir partir, j'ai dû promettre que j'irai la voir tout à l'heure. Ah, bravo, et tu comptes y aller, oui? Tu sais bien que non. Tu auras ce courage. Oui. Ce sera dur, n'est-ce pas? Oui. Combien de temps pourras-tu résister? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te demande de partir. Eh ben, pars! Qui t'en empêche? Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Tu ne viendras pas. Non! Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Regarde-toi. Regarde ta figure. Cet air pantelant, ces yeux chavirés, ces mains qui tremblent parce que tu l'as revue. Voilà pourquoi! Il y a un an que je vis à côté d'une statue. Et il a suffi que cette femme reparaisse pour que la statue s'anime, qu'elle devienne un être vivant, capable de souffrir et de tressaillir. Eh bien, je renonce, comprends-tu, Irène? Je renonce. Je t'ai aimé plus que tout au monde, tu le sais, je t'ai prouvé. Tant que j'ai pu espérer que tu pourrais m'aimer un jour comme je t'aimais moi-même, comme c'est un homme et une femme, avec leur cœur et avec leur sens, j'ai accepté de monter la garde auprès de toi, mais maintenant c'est assez. Je renonce à cette besogne ingrate et inutile. Garde-toi toute seule si tu peux, moi ça ne m'intéresse plus, c'est fini. Je suis là de courir après un fantôme. Ah, il le savait, lui, Deguin, quand il me disait « Laisse-la, écarte-toi de son chemin, elle n'est pas pour toi, elles ne sont pas pour nous. » Il avait raison. Heureusement, il y a des femmes qui sont pour nous. Madame Meillan, oui. Par exemple. Voilà donc ma récompense pour avoir tant lutté. Je ne te l'ai pas demandé, c'est toi qui es venu me chercher. Alors il fallait me repousser tout de suite. Il ne fallait pas me dire que tu pouvais m'aimer. Qu'est-ce que je savais, moi? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour t'aimer. Tu parles toujours de ce que tu as fait, toi. Et moi. Moi. Mes révoltes. Est-ce que tu n'en as jamais rien su? Est-ce que tu t'en es préoccupé seulement? Tu m'aimais? Oui, mais... À ta façon. Je regrette, j'en connais pas d'autres. C'est un amour platonique que tu attendais de moi? J'attendais un peu plus de tendresse et pas seulement éternellement du désir. Ah, tu le haïssais bien, mon désir. Hein? Allons, dis-le. Sois franche au moins et puis non, ne le dis pas. C'est pas la peine. Il y a longtemps que je le sais. Ouais, on ne l'aurait pas cru, n'est-ce pas? C'est ça que tu veux dire? Eh bien, sois heureuse. Tu en es débarrassée maintenant. Je ne te l'imposerai plus, mon désir. Sois tranquille. Tu vas pouvoir respirer enfin. Plus de corvée. C'est fini. Tu ne me remercies pas? Jacques. Tu n'as rien d'autre à me dire. Non, plus rien, vraiment. Je crois que nous avons dit tout ce que nous pouvions dire. Tout est devenu très clair, maintenant. Tu feras tout ce que tu voudras. Ça m'est égal. Bonsoir. Il sort. Elle le suit des yeux sans bouger, le regard dur. Il reste là un long moment, attendant qu'il revienne, peut-être. Puis elle s'assied, pensive, le front dans la main. Joséphine, la femme de chambre, paraît, tenant des fleurs enveloppées. Qu'est-ce que c'est, Joséphine? Des fleurs pour madame qu'on vient d'apporter. C'est une grosse botte de violettes, comme autrefois. Qui les a apportées? C'est le fleuriste, madame. Ah. Il n'y avait pas de lettres, vous êtes sûre? Non, madame. Il n'y avait rien. C'est bien, Joséphine, merci. La femme de chambre sort. Irène continue à fixer les violettes. Peu à peu, ses yeux se remplissent de larmes. Elle approche le bouquet de sa figure, les fleurs de ses lèvres, et le met contre sa joue. Son regard devenant dur se tourne un instant vers la porte par où Jacques est sorti, puis se repose de nouveau sur les fleurs et les contemple longuement. Enfin, incapable de résister plus longtemps à l'appel qui en émane, elle se lève, gagne la porte, se retourne une dernière fois comme si elle hésitait encore et sort brusquement. Une autre porte s'ouvre et Jacques paraît. Il s'arrête sur le seuil, cherche Irène des yeux, enlève son chapeau et son pardessus et s'assied à son bureau réfléchissant. On entend la porte d'entrée qui se referme. Jacques lève la tête. Irène! Irène! Il entre dans la chambre, puis reparaît, Irène, l'air surpris et va sonner. Georges, est-ce que madame est sortie? Oui, monsieur, à l'instant. Elle n'a rien dit en sortant? Non, monsieur. C'est bien, merci. Monsieur n'a plus besoin de ses affaires, je peux les emporter. Qu'est-ce que vous voulez? Je demandais si je pouvais emporter les affaires de monsieur. Non. Donnez-les-moi. Je sors, moi aussi. Dans une production d'André Luguet, récréée en recréant, vous venez d'entendre La prisonnière, une pièce en trois actes d'Édouard Bourdet. Voici quelle en était la distribution. Irène, Sylvie. Françoise, Suzanne Dantès. Gisèle, Nadine Allary. Joséphine, Françoise Brohan. Jacques, Pierre Blanchard. Eguine, André Luguet. Moncel, Léon Harvel. Georges, Lucien Paris. Le commentaire est dit par Roger Till. Prise de son Jean Jouve. La musique était empruntée à Igor Stravinsky. L'émission a été réalisée sous la direction artistique de Léon Ruth.